Bon, mais prêt? Allez, Je croise les bras comme un blagueur. Ah oui, là, par contre, moi je veux pas de grands gestes. Allez. Que ce soir on tire la tronche. Ce soir vous faites la gueule, les mecs. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde! Mais c'est de la merde! Bonsoir et bienvenue dans le Riff Machine. Pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Panda. Ça va? Ah, ça a l'air d'aller, ouais. Nelson? Ah, ça va toujours, ouais. Bon, nickel. Théo? Salut! Toujours là. Fini de rouler ta clope? Ouais, ouais, je prends mon temps. Et un nouvel arrivant, Baba. Salut à tous. Ça va? Moi, c'est Romain, et ce soir, on part vers le nord, sous une lune funéraire gonflée de colère transylvanienne, et hisser le drapeau noir de la résistance souterraine. Bref, on va parler d'Arthrone. Bon alors les mecs, première rencontre avec Darkthrone, et pour commencer, je vais me tourner vers toi Baba, raconte-nous ta première rencontre spécialiste. Ouais, alors ma première rencontre avec Darkthrone, je pense que j'étais au collège, quand j'écoutais, je me suis mis à écouter Black Metal grâce à Internet. Ah, merci à Internet. Sans Internet, voilà. J'aurais sûrement pas découvert tout ça. Et ouais, j'écoutais genre Immortal, Dio Borghi. T'as écouté ça direct, ou c'est ton premier contact? Non, enfin avant j'écoutais pas mal de néo metal et ouais voilà quoi, ma génération quoi. Ouais, putain, alors néo black c'est. C'était Amon Amarth en fait, le premier truc que j'écoutais vraiment extrême à l'époque. Et après ouais, grâce à Internet j'ai découvert les trucs et puis un jour je suis tombé sur. La pochette de Transylvanian Hunger, enfin, ça m'a fait un shot. T'as marqué la pochette, ouais. Ouais, c'était marquant comme pochette. Mais c'est clair pour beaucoup de monde. T'as un espèce de mec chelou avec un chandelier qui fait. Et tout le monde me dit, ouais, c'est trop bien et tout. C'est ça le black metal. Ouais, moi j'ai cherché des trucs extrêmes à l'époque. Enfin, c'était vraiment mon délire et ça m'a plu instantanément. J'étais convaincu par les riffs. Mais t'étais convaincu parce qu'on t'a dit que c'était bien ou parce que comme tu venais de New Metal, le pan est. Bah on m'a dit si tu veux, grand, quoi, si tu veux, on m'a dit que c'était bien dans le sens où j'ai beaucoup lu sur internet et je commençais à me faire des potes sur les forums de merde genre Spirit les forums genre Spirit of Metal. Commence pas, on a pas encore de problème avec personne. Ouais non mais bon voilà quoi. Je me suis fait virer, j'ai eu des contacts difficiles avec les gens, bref. Mais ouais, clairement. Et vous le saurez bientôt pourquoi. Ah, Gorgoroth du 9-3, je te déteste. J'étais à Amon Amarth 78, voilà. Donc voilà, comme ça, tu vois, je crève l'abcès direct, je le dis. J'avais le viking de Versailles, quoi. Voilà, c'est ça. Le viking de Versailles, c'est moi. Genre Drakkar sur la scène. Ouais, Drakkar. Drakkar sur le grand canal, ma gueule. Drakkar sur l'eau. Ça rejette. Le grand canal, ma gueule. Drakkar sur Loire. Voilà. Drakkar sur Loire, sur Marne. Mais bref, tout ça pour dire que, ouais, les gens me disaient, ouais, c'est. C'est ouais, c'est faut que t'écoutes ça quoi, c'est sympa, tu vois, c'est un bon petit groupe de chez nous. Non mais faut que t'écoutes ça quoi. Et c'est vrai que moi j'aimais déjà Immortal, j'aimais déjà, je crois, je sais plus si j'ai connu Bassouris ou Brozum avant, je sais plus très bien, c'est un peu 10 ans maintenant. Et du coup des beaux champs pas aidés. Et en plus, et clairement, je me suis retrouvé là-dedans, ça m'a plu parce que déjà j'avais cherché des trucs extrêmes et c'était encore plus extrême. Et les autres albums, genre Blaze in the Northern Sky qui est mon préféré, voilà quoi. C'était le kiff direct quoi. C'est clairement ouais. J'ai même les albums, c'était à l'époque de The Cult Is Alive était en train de sortir, beaucoup de bêtises à cette époque. Et ça va être vers 2005-2006, peut-être un tout petit peu avant qu'ils sortent. C'était à cette période là et The Cult Is Alive aussi, je l'ai beaucoup saigné. Théo, vas-y. Bah moi du coup moi je moi Dark Throne bah j'ai toujours aimé Dark Throne. Non bien sûr que non comme plein de gens je suis arrivé avec du temps mais plutôt que de vous raconter comment j'ai trouvé parce que finalement c'est un petit peu la même enfin je pas trop différent de Baba finalement des gens m'ont dit après que j'écoute des trucs de plus en plus extrêmes hein. Je me souviens plus quand je du coup donc après écouter des trucs de plus en plus extrêmes tu finis par tomber sur Dark Throne. Dark Throne c'est vachement bien mais j'ai plus envie de vous partager une petite anecdote un peu rigolote en fait. J'avais un t-shirt Dark Throne quand j'étais plus jeune et il se trouve que j'ai laissé ce t-shirt Dark Throne après avoir dormi chez un pote chez ses parents en fait plus précisément et un jour la mère de ce pote a retrouvé ce t-shirt, a vu le logo de Dark Throne dessus et elle a pas vu un logo de Dark Throne. Elle a cru que c'était un t-shirt de peinture en fait. C'était plein de peinture blanche dessus. Du coup, elle l'a jeté. Oh merde. Et elle me l'a dit toute penaude plusieurs semaines après. Et c'est horrible l'histoire. Mais bon, voilà, c'est ma petite anecdote sur Dark Throne. C'est tellement joli. C'est mignon. Nelson. Bah moi, j'ai découvert Dark Throne vers 2005, on va dire. J'écoutais pas mal de pas trop de métal extrême, hein, métal assez mainstream. Pas mal de néo quoi. Non, j'écoutais pas de néo. Ouais. J'étais entre deux là, ouais, je vois, c'était plutôt, c'est un peu Nelson, on plutôt Marilyn Manson, on assume le truc. On l'écoute toujours. Ouais, on sait. Mais du coup, t'avais acheté le livre Romain et t'avais chopé Transylvanian Hunger, on te l'avait prêté parce que t'étais. Ouais, alors du coup, on va mettre ça en parallèle avec Nelson. La rencontre avec Darkthrone s'est fait un peu ensemble. Parce que en fait. Mais vous êtes frères ? Mais ouais, il paraît. Les gens savent depuis le premier épisode. Et en fait, c'était quand je vivais à Toulouse, là-bas j'ai rencontré des gars qui écoutaient du black metal. Et donc j'ai sympathisé avec eux. Donc forcément, on a commencé à parler de metal et tout, etc. Et alors moi, je connaissais déjà le black metal en fait. C'était pas un terme qui m'était. Ouais, mais on connaissait par Cradle, Jimmy. Mais on connaissait par Cradle, Jimmy. Ouais, les trucs mainstream quoi. Comment ça s'appelle là ? On avait pas internet. Enfin, moi j'avais pas internet à la. Anorexia Nervosa aussi. Des trucs comme ça. Ah ouais, Anorexia Nervosa. Voilà, et on écoutait ces trucs-là. Et en fait, bon, évidemment, je commençais à parler de tous ces groupes-là à ce mec-là. Et alors, il me dit, tiens, non, mais ça c'est de la merde et tout, etc. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il aime pas et tout. Puis il me fait écouter d'autres trucs. Et alors là, c'était le truc où je me disais. Il m'a filé quoi, Transylvanian Hunger, m'a fait écouter un peu de Burzum et Exastour. Ouais. Et donc j'ai écouté un peu. Et je me souviens surtout, c'était Transylvanian Hunger aussi, Dark Throne. Et j'ai écouté, j'ai fait, ah, ok, d'accord. Donc j'étais vraiment loin de me douter. Là, ça a changé de Dimmu un peu. Hein. Non, mais ça a changé complètement de tout. Quoi. Ouais, c'était, complètement, ouais. Je me suis dit, ok, d'accord, donc il y a un autre métal qui existe. Ouais, mais après, on l'avait déjà écouté dans les sampleurs de Darden et Ville, enfin les trucs un peu plus dégueux qui nous parlaient pas. Alors, Dark Throne, non, mais c'est vrai que le black metal, on avait déjà écouté. On avait déjà écouté Mayhem, Marduk. Marduk. On le prononce à la phrase. Marduk, il y avait. Ok, Marduk, il y avait Gumigri, Marduk de Champagne. Ce jeu de mots. Il y avait Gumigri, mais bien sûr. Ça, on n'était pas. On est. Enfin, vous savez ce que c'est. Marleduc. Moi, en tout cas, ça me parlait pas le black. Du coup, t'avais ramené l'album parce que t'habitais pas. Mais j'habitais pas à Paris à l'époque. C'est vrai que tu m'avais fait écouter. Moi, ça me parlait pas trop. Je trouvais ça trop dégueu. Ouais, c'est. Moi, je voulais plus du black. Enfin, j'étais habitué au black bien produit. C'était aussi ce qui était à la mode. J'avais pas l'oreille. J'avais pas l'oreille. Non, mais. Finalement, toi, c'est le black que t'as écouté. C'était un peu le black MTV. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai mis carrément de côté ce type de black metal pour dire c'est pas fait pour moi. C'est-à-dire Burzum, enfin tout les ce qui est affilié. Par contre, j'ai gardé cette fascination pour ce genre-là en fait, ce type de black metal. Ouais, par contre, juste quand t'es revenu avec ces albums-là un peu, moi j'écoutais plus ces albums ambiants. Ouais, les albums ambiants de Burzum, c'était les trucs qui me parlent. C'est ceux que j'ai plus écouté à l'époque, en 2005-2006, que les vieux Dark Throne et Burzum, parce que j'étais resté sur les albums qu'il a fait en prison. Ouais, pareil, et par chance, en fait, les Seigneurs du Chaos sortaient en édition française à ce moment-là. J'ai lu tout le bouquin, mais en fait, je me suis rendu compte à l'époque que je connaissais toute l'histoire du black metal, mais alors, par contre, j'en écoutais pas du tout. Mais beaucoup plus tard, en passant par d'autres groupes qui m'ont amené à ça, notamment Enslaved ou même des groupes de post-black. Ouais, Ulver. Ulver aussi, un peu plus tard aussi. Mais voilà, Dark Throne, c'est un truc que j'ai mis énormément de temps à apprécier. Mais vous n'êtes pas les seuls, moi je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui connaissent beaucoup mieux le black metal par son histoire et son image et ce qu'on en dit et tout ça. Mais là, connaissent les crimes, connaissent les incendies d'église. Voilà, c'est ça, mais il y avait un côté vraiment. intéressant quoi. C'était fascinant. Fascinant. Bah, faut dire que tu connais un autre sous-genre du rock où ça a été aussi violent, où il y a eu des meurtres, où il y a eu des incendies d'église, où il y a eu des choses comme ça. Hyper loin quoi. Et puis après les mecs sont partis dans des délires hyper extrémistes, etc. Donc tu. Il y a une fascination quand même. Voilà. Panda. Ouais, bah pour moi en fait ça, ça rejoint un petit peu tout. Comme vous en fait, j'étais attiré par les musiques extrêmes. Donc je vous passe l'époque où j'ai écouté du Thunderdome pour savoir que à la fin je n'ai pas du tout ça. Les musiques extrêmes. C'est extrême. Oui, ça reste extrême, mais dans un genre qui est totalement éloigné en fait de. C'est un genre qui fait bouger la mâchoire. Ouais, voilà. Plutôt que les cheveux. Ok, ne prenez pas de drogue les enfants, c'est mauvais pour vous. Et donc. À force de recherche, etc., et aussi par toutes mes connaissances, mes contacts, et bien en fait, on m'a amené doucement mais sûrement vers les musiques extrêmes metal, comme Death, dans le dernier épisode, je vous avais parlé de ça, avec un pote, on avait écouté ça. Ouais. Et voilà, anecdote, merci pour Yann Tiersen, c'était magnifique. Ouais, t'es chaud, espèce de bâtard. Et lui, il écoutait en fait du Dark Throne à balles et du Bourzoum, etc. Donc c'était... Le mec me balançait des albums de Dark Throne comme ça, au milieu de d'autres albums de speed metal comme Gamma Ray ou je sais pas quoi, tu vois, putain, le gars... Et Gamma parfois Ray. Même, il mettait du Blink 182, s'il te plaît. Alors, le gap, il était vraiment... Moi, j'étais perdu. C'est normal. C'était la même époque. C'était la même époque, c'était... C'est du rock, hein. C'est du rock, bébé. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, là-dedans, en fait, ça m'avait interpellé, c'est sûr, quoi, mais ça m'avait pas plu. Et ça m'a pas plu sur le coup, je sais pas, c'était peut-être la façon en fait dont j'ai découvert ces groupes-là. Et moi, j'avais pas eu votre chance, j'étais pas entouré en fait, de plein de gens qui écoutaient du métal comme ça, quoi. C'est pas le son aussi qui t'a un peu... Non, pas nécessairement, c'est simplement, je sais pas, j'ai pas pu me focaliser en fait sur l'écoute réelle. J'ai pas fait l'effort après d'écouter chez moi, mais lorsque quelques années après j'ai réécouté, putain les mecs, voilà quoi, c'est j'avais la mimole, hein. Faut le dire quoi. Et je continue. Alors, ça fait pas ça. Non, ça fait pas ça. Mais bon, j'ai comme l'impression en fait que tout ce qui est bien sombre et bien dark, ça m'émeut beaucoup plus maintenant qu'avant. Mais c'était la première fois que t'écoutais du black metal ou t'en avais déjà écouté? Ouais, c'est avant ça. C'était ton premier mois black metal où t'avais déjà écouté Cradle. Cradle, j'avais déjà écouté, mais en fait, vous allez peut-être me faire la gueule, mais je le mettais au même rang en fait que tous les groupes néo-metal qui existaient à l'époque. Cradle, c'est vachement dur. Ah, je sais que je suis dur, mais non, mais c'est pire. Non, en fait, quand j'écoutais, je trouvais ça moisi. Mais en fait, c'est peut-être le côté symphonique et peut-être que aussi d'un autre côté, tu sais, j'étais en train d'essayer de cacher mon goût pour le death mélodique. Donc, on va pouvoir parler du flex encore un peu. Mais c'est juste les mystères de jouer les numéros du flex en fait. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait tellement plaisir. Je pense clairement qu'il y a un truc aussi qui entre compte, c'est aussi. Moi par exemple, par rapport à la période de ma vie où j'ai découvert Dark Throne et tout, j'étais un adolescent genre complètement paumé, ouais, et le black metal, genre ça te parle direct quoi. Enfin, c'est genre le côté de l'aspect juvénile, sensations fortes et tout, c'est vachement cliché, mais franchement, c'est un claque dans la gueule, tu ressens la haine du truc, tu ressens la colère, tout est exacerbé à ça. Ça t'exacerbe et ça te prend trip, quoi. Et moi, c'était vraiment à cette période-là de ma vie où j'étais clairement paumé, quoi. Comme tout adolescent, qui ouais, bien sûr, ouais. Et qui sa identité. Peut-être que c'était trop extrême pour moi, peut-être. Bah, faut dire qu'il y avait pas beaucoup de vikings à Versailles, donc ils sont Sortaient seuls. Il fallait qu'il écoute Dark Throne pour s'organiser. En vrai, ouais. Tout seul avec sa corne de brume sur son drakkar. Bon, là, on va rentrer dans la première période de Dark Throne. Donc, formation et premier album. Le groupe se forme en 86 à Kolbotn en Norvège, sous le nom Black Death. Il est composé à l'époque de Nocturne Occulto, Zephyrus, Dag Nilsson et Fenris. Courant 87, la formation change de nom pour Darkthrone. Plusieurs démos sortiront, Land of Frost, A New Dimension, Toolkendra ou encore Cromlech. Je sais qu'ici, il y en a qui ont écouté les démos, et j'aimerais que vous me disiez quelques mots. Pour les démos, il y a un objet assez intéressant qui est sorti dans les années 2000. J'ai plus la date exacte, mais je l'ai acheté, du coup, c'est les Frostland Tapes. En fait, ça regroupe toutes les démos en CD. C'est une espèce de compil. C'est une compil, en fait, de toutes les démos, et avec en plus une version instrumentale de Gotlord. Mais ça, à la limite, on pourra revenir là-dessus. Ça compile toutes les démos avec un son plutôt correct. Et sur les démos, au début, c'est vraiment très scratchless, quoi. Genre influence Celtic Frost, Slayer, tout ça qu'on peut voir. Et après, il y a la technicité qui commence à évoluer. C'est de plus en plus technique, plus death metal. C'est vrai que le peu que j'ai entendu, c'est vrai que les mecs sont déjà très bons. Ils sont très très bons, mais ça reste... on est vraiment loin du Dark Throne à venir, et c'est des structures très progressives, enfin c'est... Voilà, c'est... Ils cherchent un peu, quoi. Ils se cherchent complètement. Mais tu sens que leurs influences, elles sont bien marquées, quoi. Oui, ils sont très jeunes, on peut le dire. On pouvait penser 15 ans. Et après, il n'y a pas encore ce... tu sens pas encore Venom, Bassori, tout ça, qui... Elhammer, qui... Encore assimilé. Mais alors justement, c'est ça, enfin, c'est déjà, limite, enfin, on faudrait commencer par c'est qui Dark Throne, c'est qui ces mecs qui se rejoignent, et moi je crois que c'est assez intéressant de voir un peu comment ça se passe. Ah, tu veux faire un kit historique. Fait vaguement, parce qu'en fait, quand tu t'intéresses un peu à dire, déjà, bon, ils ont fait des démos, mais pourquoi ils ont fait des démos, déjà, pourquoi ils ont fait un groupe, en fait, déjà, les gars là-bas, c'était, alors Fenris, d'après lui, il a grandi dans un environnement géographique vraiment hyper reculé, dans un endroit où c'était apparemment une colline sur laquelle il y avait des summer houses, c'est-à-dire des maisons secondaires de certains Norvégiens, et eux, ils avaient une seule maison. Oui, c'est vrai que c'est important que tu le dises, parce que c'est vrai que là, ça se passe en Norvège, donc là, on n'est pas au Texas, on n'est pas dans des... Il faut quand même qu'on explique un petit peu. Il y a quand même un environnement qui... Je pense que ça peut jouer, voilà, le gamin était un peu seul, et il raconte que c'est son oncle, en fait, qui lui aurait fait d'abord écouter des trucs de rock. Tu parles de Fenris, hein. Voilà, je parle de Fenris, donc, qui s'appelait encore Gilvenagel à l'époque, parce qu'il naît en 1971, là, donc, en fait... En 86, quand ils sortent leur première démo, faut voir que le gars a quand même 16 ans, quoi. Mais du coup, avant ça, en fait, faut imaginer que si vous avez commencé à écouter du rock, du métal vers je sais pas quel âge, ben eux, en tout cas, ils ont commencé assez jeunes, parce que d'après ses propres dires, lui, il a commencé à 6 ans, quoi. Et à 6 ans, il a commencé à avoir des kiffs pour des groupes comme Uriah Heep, ACDC, les Doors, il écoutait déjà, s'il te plaît, ça l'avait déjà saoulé à 6 ans, tu sais. Kiss, fait, c'est vachement marrant, parce que Kiss, c'est... Hormis le côté tout ce qui peut être intéressant avec le maquillage, le maquillage, la scène grammage. En fait, apparemment, beaucoup de black metal norvégiens, en fait, Kiss a été un des premiers groupes à industrialiser ses produits dérivés. Et Kiss, ils avaient des cartes à collectionner. Non, mais Kiss, ils ont inondé la planète, quoi. Vous savez très bien qu'ils ont fait des comics, qu'ils ont fait des tas de trucs comme ça et tout. Et déjà à l'époque, ils avaient ça, et en Norvège, c'était très populaire. Il y avait plein de gamins qui s'échangeaient des cartes de Kiss dans la cour de récréation. Et donc, les gamins connaissaient déjà bien Kiss et tout, et ça a participé de la. Au fait de se maquiller, forcément. Voilà, en plus, il y avait le côté maquillage, qu'est-ce que ces mecs font. Faut imaginer ce que c'est Kiss dans un monde où ça n'existe pas, presque pas le métal, quoi, en tout cas. Et il raconte en fait qu'en 1981, il a écouté pour la première fois Black Sabbath et que ça a changé sa vie, donc Fenris toujours. Bah comme beaucoup de mecs, non, je crois, hein, parce que j'ai l'impression que ça revient de beaucoup de choses. Comme beaucoup de gens, effectivement. Ouais. Mais bon, du coup, c'est sur ce terreau-là, alors moi je me suis intéressé surtout à lui, parce que c'est mon petit préféré. Parce que c'est un peu le leader de Dark Throne. Voilà, et puis c'est le plus visible, évidemment. Non, mais c'est un peu le leader de Dark Throne. Enfin, c'est un peu lui qui... On va dire que c'est le plus... Celui qui se montre aussi, en tout cas. Celui qui parle le plus. C'est un petit peu là-dessus que se fonde Dark Throne, et c'est comme ça qu'en fait, il commence à réunir des amis. Alors lui, au début, à cette époque-là, il est quand même... Donc, il a l'âge de se révolter contre ses parents, il écoute du punk, etc. Et le nouveau genre trop cool, c'est le métal un petit peu plus extrême, alors à ce qu'à l'époque les gens appellent speed, puis le thrash et le death, voilà, c'est ça. Et ils commencent à vouloir faire ce genre de choses, et ces démos reflètent ça en fait, ça reflète vachement des gamins en fait, assez énervés, qui veulent jouer des trucs comme Possessed, Mantas ou Death, on a déjà parlé de ça, je crois, mais voilà, ça a été une inspiration énorme pour ces gamins. Donc voilà, c'est sur ces rôles-là qu'ils sortent leurs démos. Trashcore 96 et Trash, pas Thrash, pas avec un H. Et d'ailleurs, il l'explique dans une interview, il dit vraiment c'est pas Trash, c'est pas Thrash, c'est Trash, parce qu'on était très mauvais. Et parce qu'il y avait du punk depuis le début dans le groupe en fait. Et voilà, donc sur ces premiers titres qu'ils composent, il y a des morceaux qui s'appellent Pizza Breath ou Nasty Sausage. Voilà, je vous laisserai traduire. Et puis voilà, ils sont très do it yourself dès le début. Ils veulent enregistrer leur truc. Ils sont pas dénués d'humour. Le punk est présent, c'est quand même un groupe où dès le début, enfin, ça symbolise un petit peu encore le fait qu'à l'époque, punk, metal, ce genre de choses, c'était pas si différent et les façons de faire étaient. En tout cas, voilà, de faire plus que musical, les façons de faire étaient vraiment très reliées, je trouve. Voilà. En plus, Fenriz a déclaré aussi avoir été influencé sur les démos par des groupes comme English Dogs. Cryptic Slaughter, ce genre de trucs qui sont des groupes de Cryptic Slaughter, et on parle souvent. Ça, ça se résume juste à une influence Celtic Frost. Voilà, je suis pas d'accord. Je l'ai dit. Bien sûr, tu l'as dit. Mais j'ai pas envie d'en rajouter plus. Non, bien sûr, mais tout à fait d'accord. À part son nom de groupe, quoi. Mais d'ailleurs, voilà, c'est un truc qui reviendra. On peut en parler peut-être. Justement, parce que. Celtic Frost, un peu. Celtic Frost, c'est évident parce que déjà, ils ont la Darkthrone ont un truc de particularité, c'est qu'ils adorent les. Ouais. Et ça, tu l'entends vachement dans Darkthrone, tard et dans plein de. Le début de Celtic Frost, ils font ça dans la cave, il est tout seul. Donc, toi, Nelson, tu voulais parler du début de Celtic Frost, c'est ça? Ouais, parce que nous, c'est plutôt de 84, on va dire. Le mec, il est pas très bien, Tom, il se déguise un peu avec des trucs à la bracelet à clous et tout. Spike and Lace. Finalement, c'est très black metal avant l'heure en Suisse, hein, du coup. Mais même dans l'ambiance, quoi, dans les visuels et tout, c'est déjà vachement marqué, quoi. C'est très marqué. L'état d'esprit dans lequel il est, Tom G. Warrior, c'est un mec qui s'est fait clasher à l'école partout. Il a une enfance très difficile. Il est un peu mauvaise par son physique et tout. Je crois que même sa mère l'a ironie. Oui, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si tu es à fond là-dedans. J'apprends des choses. C'est très black en fait le début de Celtic Frost. On parle souvent de Venom avec l'album Black Metal, mais ce serait plus pionnier dans le son finalement que Celtic Frost. Oui, parce que Venom c'était un peu. Venom c'est juste le nom en fait, c'est le mot lui-même. Il y a quelque chose de punk aussi chez Celtic Frost. Et complètement. Vécu par Tom G. Warrior, tu vois vraiment ce côté où il est pas bien quoi le mec. Ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est. Marrant on va dire. N'en déplaise en fait à beaucoup de punk, en fait il y a un lien très fort en fait entre le punk et le black metal. Carrément. Et qui est totalement indissociable pour moi. Et puis bon, si on veut rentrer dans les étiquettes, on appelle ça du cross-punk, en fait Celtic Frost en gros quoi. Ouais, maintenant on ne dirait pas comme ça, mais. Pourtant, j'ai pas, je trouvais pas ça déconnant. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de cross qui écoutent Celtic Frost, ça c'est sûr. Peut-être que c'est pas déconnant, mais pour moi c'est du trash, mais on va pas se branler. Ouais, mais non, les étiquettes, c'est assez subjectif. On parle beaucoup de black metal, mais ses premières démos et cette première incarnation de Darkthrone, c'est quand même black. Plutôt orienté vers autre chose. Ouais. C'est quand même plus orienté vers le death metal. On n'est pas vraiment sur le black metal, quoi. On est plus sur du trash ou les influences qu'ils ont eues par des gamins des années 80. Le death aussi, le death beaucoup. À l'époque, ils commençaient à écouter les groupes qui sortaient de la Floride. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que ça nous a amené justement au premier album, 1991, Suicide Journey, qui est un disque carrément orienté death metal, alors qu'au même moment. Des groupes plus ou moins proches de Inner Circle que tu as cité Nelson publient plusieurs démos toujours en charge d'un son plus brut, plus sombre, plus rapide et surtout plus noir. Il se passe quoi en Norvège à ce moment-là? Il y avait des scroches de Mayhem déjà qui étaient sortis. Mayhem il en est seulement à son EP alors que Darkthrone sort déjà son premier album. Donc, ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été signés. Exactement. Parce que dès leurs démos qui font quand même bonne impression, parce que ça a beau être des petits jeunes un peu énervés, ils sont déjà signés sur un label, et un label anglais en plus. Exactement. Pourquoi ils ont signé sur Pizzville? Vous savez ça? Vous savez? Parce qu'il y avait Paradise Lost dessus, ils étaient trop chauds d'être sur le label que Paradise Lost. Exact. Et parce que Paradise Lost à l'époque c'était... Attention. Nelson, tout à l'heure, tu parlais de l'Inner Circle. Et donc, Théo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'Inner Circle, Le début des années 90 de Norvège. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors, l'Inner Circle, c'est un black metal Inner Circle, même, tant qu'on y va par là. L'Inner Circle, black metal. C'est un groupe de petits jeunes, en fait, qui se faisaient vachement chier, qui voulaient faire de la musique, qui voulaient faire beaucoup, beaucoup chier le monde. Et ils ont fait comment? Ils ont digéré toutes leurs influences death metal, black metal, etc. Ils se sont rencontrés entre eux. Voilà, alors c'est autant des gars qui faisaient des fanzines que des groupes qui se rencontraient à l'époque et qui commençaient à chercher quelque chose de plus extrême dans leur musique. Dès 1991, si je dis pas de bêtises, 92, ils se réunissent surtout. Début 92. Voilà, ils se réunissent surtout autour d'un groupe et d'une personne en particulier. Ce groupe, c'est Mayhem. Cette personne en particulier, c'est Euronymous, son pseudonyme. Et un magasin. Austin Arset. Et d'un magasin, si tu as très envie de le dire, qui s'appelle Helvete, qui était le magasin d'Euronymous. Et donc, en fait, c'est là-bas. En fait, qui se réunissaient, ils étaient quelques-uns, les membres du groupe Emperor, les membres du groupe Mayhem, un certain Varg Vikernes de Burzum, et puis voilà, le Snorre Rutsch aussi qui a fait Turns plus tard, j'y tiens, j'aime beaucoup Turns. Du coup, voilà, ils étaient autant motivés par des envies musicales que par en fait vraiment faire chier le monde, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, c'était les premiers, quand ils faisaient des interviews, ils se définissaient, il y avait beaucoup, beaucoup de Mathieu Vu, de Gaudriol, ils se considéraient ouais, de l'attitude, voilà, quoi, exactement, et quand ils faisaient la moindre interview par un fanzine, ils racontaient des cracks, ils disaient n'importe quoi, ils disaient que c'était des gars complètement tarés, qui faisaient n'importe quoi, etc. Faut savoir que c'est que des fils de bonne famille, Euronymous, c'est un fils à maman. Ah ouais, carrément, mais il y a un documentaire qui est sur YouTube, qui est sous-titré en anglais, où justement, les membres de... Enfin, les parents... C'est quoi le titre du documentaire? Je me souviens plus, je crois que c'est Inside Mayhem, un truc comme ça. Enfin, c'est une type Mayhem documentaire. In Bed With Mayhem, un truc comme ça. Une belle vision d'elle. Mayhem bien de scène. Comme le Nipette Biz Madonna, mais Oli, avec Mayhem. Même Oli garde son corps paint. Trop bien, trop bien, trop bien. Et en fait. Une belle Miss Dead. Ouais, moi c'est tous les soirs. Ah, elle est vraiment trop cool. Et donc en fait, dans ce documentaire, il expliquait que en fait, les parents donc, de Ronimus, des différents membres qu'a eu Mayhem. Où en fait les parents disent bah non, ils s'amusent entre eux quoi, ils font fou quoi, tu vois. Voilà. Ils font joujou quoi. Ils sont ados quoi. Alors, ils se rendaient pas du tout compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Ouais. Ronimus, il s'est pas mal fait d'être ses parents pour tout ce qui était fric et. Ouais, parce que ils ont sorti Mayhem, a sorti des t-shirts avant de faire des albums. Ouais, alors voilà, justement, attends Nelson, parce qu'on parlait justement d'attitude, mais enfin Mayhem c'est les champions quoi. Parce que les mecs ils avaient sorti rien du tout, par contre ils avaient déjà des flyers, des t-shirts, etc. Les mecs c'était déjà vu en haut de l'affiche quoi. Ils ont compris avant les autres ce que ça devait être, enfin ce qui excitait les trucs. L'imagerie quoi. Ce qui excitait les gens dans le black metal en fait, qu'ils appelaient peut-être même pas comme ça. La dimension mythique un peu. Voilà, exactement, c'est genre plus tu vas, plus tu parles fort, c'est l'espèce de légende quoi. Voilà, c'est ça. Tout de suite, on parle de légende, de mystère, je dirais plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ces mecs? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont aussi satanistes? Est-ce qu'ils sont pas un peu d'extrême droite? Tous les gens se posaient déjà ces questions-là à l'époque, enfin tous les gens. Tous les gens qui avaient accès à ça, c'est-à-dire pas grand. Alors le côté extrême droite, ça arrivait un peu plus tard avec un certain Varg Vikernes. Ouais. Il y avait vraiment le côté genre. Il y avait une dimension politique quand même dès le début, en tout cas, encore une fois, ça faisait partie des cracks, je pense qu'entre eux, ils s'en foutaient finalement. Ouais. Mais. Ça faisait partie de leur dimension aussi anticapitaliste parce qu'ils allaient niquer des McDo aussi. Enfin, c'est toujours le même. C'est Varg Vikernes, c'est toujours lui qui fait les conneries. Quoi. Ouais, les mecs de Immortal, ils mangent des hamburgers. Black Metal Blocks. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Juste pour faire une parenthèse, c'est vrai que des Inner Circle, il y en a eu dans plusieurs pays, en France aussi. Oui, on peut dire ça, ouais, tout à fait, avec les Légions Noires, notre Inner Circle à nous. Très important de l'Inner Circle, vraiment. S'il faut retenir deux trois trucs, c'est ils se considèrent comme un groupe fermé, ils le montrent aux gens, ils sont très satanistes, ouvertement, vraiment, ils tiennent des propos qui sont condamnables par la loi dans certains temps. Même dans les magazines, mais personne lisait ça, et puis voilà. C'est surtout pas des magazines. C'est plus tard que les gens. Voilà, c'est plus tard que le black metal et en tout cas ça intéressera vraiment peut-être la justice norvégienne. Mais voilà. Et donc l'Inner Circle, voilà, c'était la réunion de ces gens-là, qui était un club très fermé et qui se réunissait. Ils voulaient un peu casser le côté un peu monotone de la vie norvégienne, en fait. Ils voulaient foutre un coup de pied au cul à cette société. C'est ça, c'est quand tu lis en faisant les petits cons et en voyant des églises et en faisant de la merde, en faisant les punks un peu. C'est ça, ouais, en foutant le bordel, comme tu dis, cette société carrée norvégienne, en plus il y a le punk en Norvège, c'est brûler des églises, c'est pas. Deux, pardon. Et boire des 8-6. Bon, c'est aussi boire des. Non, mais il y a du punk en Norvège. Non, mais il y a aussi du punk en Norvège, du punk. Non, mais justement, non, mais être punk en Norvège à cette époque-là, pour eux, c'était. Oui, t'as raison, parce qu'il y en a, ça existait. Mais eux, ils étaient vraiment en réaction. Moi, je pense que c'est vraiment une société monotone. Ouais, mais c'est une jeunesse qui a réduit, il y a besoin d'un idéal, et il n'y a plus d'idéal parce que c'est des années 90, c'est la fin de l'histoire. J'ai l'impression qu'ils cherchent. Entre guillemets, pour ce qu'a écrit d'ailleurs d'intellectuel japonais et donc ouais les gens se font chier et ouais, sinon ils ont besoin d'un idéal, les jeunes ont besoin d'un idéal quoi et le black metal c'en est un comme un autre. Ouais, c'est ça va plus loin qu'un idéal parce que c'est le désidéal quoi, c'est vraiment. Ouais, mais c'est un idéal très fort, ouais, mais c'est quand même un idéal. Enfin, c'est oui, des valeurs, des convictions. Non, mais je comprends ce que tu dis parce que t'as raison, parce que c'est vraiment ils cherchent un truc à casser. Un autre idéal, ouais, mais ils cherchent à casser l'ennui. Ils pensent pas en fait que c'est comme tous les adolescents qu'on est. Oui. À chercher la contradiction et puis mettre en défaut l'autorité qu'on a en face de toi. C'est exactement ça en fait quoi. C'est pour ça qu'on en fait souvent une histoire, on en fait souvent quelque chose de beaucoup plus légendaire que ce que ça a sans doute dû être. Bah, oui, dire, c'est, on parle d'adolescents. On parle de mecs qui ont pas 20 ans. On parle de mecs qui ont pas 20 ans. Hein, et mais bon, la suite on verra. Mais ouais, voilà, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que je reviens. C'est des jeunes hommes. Blanc, musicien, oui, pour la plupart, exactement, non circoncis, dégoûte, qui s'ennuient en fait et du coup qui font des trucs comme ça pour faire chier tout le reste. Alors donc bon après ce petit interlude sur l'Inner Circle, j'espère que tout le monde les présenter, eu le temps de dire ce qu'il voulait. On va passer un petit peu à Suicide Journey. Bah t'as très très très envie de parler de Suicide Journey. Mais et vas-y. Je vais pas décrire l'album sans 7 ans en fait, j'ai pas forcément envie de décrire l'album sans 7 ans. C'est, pas le temps, c'est un album de death metal, mais quand même souvent classé comme du dark death metal. Enfin, ouais, dark death metal. Pour moi c'est une appellation que j'ai jamais trop compris. Mais... Donc du coup il y a vraiment ce son très suédois en fait dans la guitare, donc on disait la metal zone machin et tout. Vraiment la scène suédoise quoi, donc et puis vraiment ce qui frappe aussi c'est un peu la virtuosité de la technicité des musiciens de Darkthrone sur cet album quoi. Ouais, puis la composition aussi, la quoi, composition vraiment, genre, les compositions à tiroir, enfin c'est ça, c'est vraiment c'est super bien construit, c'est super bien exécuté, c'est il y a un travail quand même assez massif derrière en termes de connaissance de la façon de rythmer. Mais ils ont bien assimilé leurs influences, j'ai l'impression. Ouais, très ils ont bien compris. Oui. Et en fait t'es face à un album de Death qui est très mature pour leur âge en fait quoi. clairement c'est extrêmement, c'est hyper bien branlé quoi. C'est enfin moi je l'ai découvert tard cet album, à la première écoute je savais pas exactement que Darkthrone avait fait du death en premier album. Juste une petite parenthèse, moi j'ai beaucoup aimé la pochette. Magnifique. Elle est froide, elle est très safe, je trouve. Elle fait un peu safe, mais ça faisait écho à leur première démo aussi, des pochettes un peu cosmiques avec des planètes. Moi ça me fait penser à Paradise Lost en fait. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est ça, non, mais si, c'est vrai, effectivement. T'as sûrement raison, je trouve ça un petit peu sans rien. Espèce de bleu glacial. Exactement, il y a des. Les choses sont un peu floues, c'est bien pareil. Et je trouve que le son, tu regardes la pochette et la musique, tout correspond. Ça colle complètement à ça. En fait, c'est parce que le mec qui a fait la pochette, c'est peut-être un gars qui a fait la pochette de Lost Paradise, de Paradise Lost. Ah bah tiens donc. Qui est un comic artiste qui a fait aussi Hellboy, Spider-Man et plein d'autres trucs. Ah, avec le metal. C'est voilà, c'est marrant. Il s'appelle Duncan Fregedo et on l'applaudit. Bravo Duncan. Voilà. Mais c'est vrai, la pochette elle donne déjà vachement le ton. Tu vas être dans quelque chose comme ça. Ils ont pas du tout de pochette comme ça. Après, là, t'entends vraiment quelque chose qui tire vraiment vers le death technique quoi. Vraiment, t'entends, il y a des espèces de petits solos de basse. Ah ouais, il y a des solos de basse, mec. Jaco Pastorius, je crois que Human de Death sort la même année ou l'année d'avant, un truc comme ça. Je suis sûr qu'ils l'ont entendu. Ouais, clairement. Ah bah, c'est sûr qu'ils l'ont entendu. Et qu'ils l'ont écouté avec ferveur. Mais tu sais que Fenris parle de Chuck dans une interview qui est plus récente, pas, mais il en parle pas, déjà. C'est obligatoire, mais t'entends aussi des influences celtiques et nordiques, moi je trouve. Il y a des riffs qui font penser à des trucs à la Unleashed. T'entends des espèces de mélodies, il y a une chanson qui s'appelle Sempiternal Sepulcrality qui fait vraiment penser aux mélodies comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a un titre qui s'appelle Neptune Towers déjà aussi. Ouais, ah, ça, ça, Neptune Towers, on en parlera un peu plus tard, mais je crois que ça fait référence à quelque chose. Ça fait référence à quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Et il y a déjà pas mal d'humour encore, enfin ils n'ont pas perdu leur humour en route. Il y a une chanson qui s'appelle Grave with a View. Ouais. Donc tombe avec vue comme si tombe avec vue. Ouais, ouais, c'est marrant, moi je trouve. Du death metal auquel tu peux t'attendre dans cette. Un peu suédois du coup. Dans la deuxième période de Dark Throne, la préférée de Baba évidemment, et tu vas beaucoup nous en parler. Donc cette période elle a été influencée beaucoup par Hornimus et surtout par un petit con qui est pas dénué de talent dont on va parler un peu plus tard. Dark Throne vient de sortir une triplette d'albums entre 92 et 94 et échoue un black très très sale, le plus sale de Norvège. On va pas parler des albums un par un, on va plutôt parler de la période, mais on va faire quand même un petit mot sur le premier sur le premier de la triplette, on va dire. Ouais, peut-être on juste une petite question, pourquoi ce revirement en fait voilà. Ah oui, intéressant. Faut le dire quand même. Hein. Alors pourquoi ce revirement? Moi je pense que ce revirement, on change de membre aussi. Il y a c'est Doug Nielsen qui sont là en fait. Qui se casse, Doug Nielsen, pas, il se casse après l'enregistrement. Il est pas dans le délire. Oui, il fait certaines parties de basse. C'est vrai, il se casse après. Il est crédité sur l'album. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais il y a un revirement, et ce revirement il est dû quand même beaucoup à l'influence, on parlait tout à l'heure du Linear Cycle, et je pense que ça a beaucoup influencé. Et juste pour la petite anecdote, c'est vrai que quand Dark Throne a présenté son album à Peaceful Records, ils ont dit non mais attendez, nous on vous a signé pour... ils ont détesté, ils ont dit attendez, c'était pourri, et en plus... Ils ont signé un groupe de death, quoi. On a signé un groupe de death, quoi, donc faites-nous du death, en plus... Faites-nous du death, jouez plein de notes. Je mets la note partout, et en plus vous avez vu ce que le death est devenu, et dans l'interview de Fenris, donc les interviews vidéo pour retrouver sur YouTube, lui dit ouais mais non, nous on voulait vraiment foutre le bordel et tout, etc. Donc les mecs se pointent, avec un album qui s'appelle A Blaze in Earth and Sky, 92, Baseville qui dit que la prod est jugée too weak, donc trop faible. Ce que je trouve assez étonnant en fait, parce que c'est... pour moi c'est vraiment mon album préféré de Dark Throne, mais je pourrais en parler des heures, mais en fait, on parle de revirement, mais en fait c'est... Je trouve pas que c'est si direct que ça comparé aux albums d'après en fait. Parce qu'en fait, A Blaze in Earth and Sky pour moi, enfin... D'ailleurs je lis pas trop ailleurs, c'est que c'est vraiment un album vraiment à part, très particulier. Parce qu'en fait il y a encore des riffs de death metal, mais il y a un son qui n'a rien à voir avec le death. C'est grave une sonorité vraiment spéciale quoi. Mais pour autant je trouve pas que c'est une sonorité faiblarde ou mal enregistré, parce que je trouve ça super bien enregistré, mais c'est vachement crade en fait. Ça c'est subjectif. Mais pour moi, il y a un vrai travail d'enregistrement derrière qui est énorme. Il y a une volonté de travailler crade. Chaque fois que tu entends un coup de grosse caisse ou de caisse claire, t'as l'impression de te faire gratter la gueule quoi. C'est travaillé. Il y a des purs mid-tempo, il y a des blasts de fou, genre Where the Cool Wind Blows. Il y a des. Quand je parle des mid-tempo, je parle évidemment de In the Shadows of the Horns. Vraiment, il y a une ambiance, il y a de la reverb partout, il y a des. Un espèce de fuzz dégueulasse sur les guitares. Enfin, pour moi, c'est un album et les riffs, en fait, les compos sont vraiment. Il y a encore ce côté tiroir. Ça dévoile une histoire au fur et à mesure. Il y a vraiment des solos absurdes. Enfin, il se passe plein de choses. Et il n'y a pas juste deux riffs en boucle pendant tout le morceau. Il se passe vraiment plein de choses. Et je trouve que c'est un album qui est d'une richesse de ouf. Et il y a aussi ces petites voix à certains moments qui arrivent et qui donnent un espèce de côté complètement what the fuck à l'album, un côté punk. Des petites. Des moments où il y a la voix, des moments où il y a un espèce de appel à la guerre, vraiment un côté genre très très énergique quoi. De toute façon, ça se voit sur la pochette, ce truc-là, parce que t'as quasiment l'impression que le mec t'agresse directement de la pochette. Quoi. Exactement. Il va te courir dessus, te mettre un pain en plein. Et j'en viens à la devinette. C'est un peu la. La devinette de Baba. On arrive à la devinette de Baba. Enfin, ça se trouve, en fait, c'est pas du tout une devinette, parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était Nocturne Occulto sur la pochette. Mais non. Mais du coup, savez-vous qui c'est? Moi, je sais. Ah, toi, tu le sais, toi. Eh ben, c'est Dag Nielsen, non? Et non, ce n'est pas Dag Nielsen. Ah! Et qui est Dag Nielsen? Alors, c'est le bassiste. Dag Nielsen, c'était le bassiste. Le bassiste Svara, ouais, on va dire. Ça. D'accord? Bah, tu peux le dire. Ah, c'est Dead! Non, pas du tout. Ah. Théo, vas-y. Hein. Je sais pas si c'est très intéressant, mais moi, j'ai toujours cru que c'était Nocturne Occulto. Bah non, c'est Philippe Douste Blasi en fait. Non, c'est Zephyrus. Zephyrus, l'autre membre de Mayhem. On les comprend tous. L'autre membre de Dark Throne qui partira en fait juste après l'enregistrement en fait d'ailleurs. Mais cette photo étant tellement géniale, ils se sont dit ça fait une super pochette, j'imagine. Ils ont inventé un genre de pochette de black metal avec cette pochette là, ils s'en rendaient pas compte sans doute à l'époque. Donc c'est quelque chose qui arrivera à sa quintessence. Ensuite, à la fin, avec Transylvanian Hunger, en fait, que les gens écoutent surtout pour sa pochette plus que pour la musique qui est dedans, à mon avis. C'est pas compliqué. Mais ouais. Mais on a tous fait la même chose, t'inquiète pas, c'est pour ça que je me suis pas étendu sur comment j'ai découvert. Et d'ailleurs, pour rester sur la pochette, j'ai un autre truc aussi qui est assez intéressant parce que il y a un certain David Pibus qui est crédité pour. Ça, c'est pour toi, Vava. Ouais, c'est pour toi, Vava, c'est là. C'est un fameux David Pibus qui est crédité en fait sur la. Ah, là, tu vas voir. Tu vas voir, qui est crédité parce qu'il était graphiste à l'époque chez Pibus Records. Et il s'avère que ce mec-là a été gratteux pour Cradle of Filth sur Damnation and the Day, Nymphétamine et toute la période un peu pourrie de Cradle. Et donc, c'est ce mec-là qui a travaillé la pochette pour l'album. D'accord, pour ton album préféré. Il y a donc bien un parallèle entre Cradle of Filth et Dark Throne. Putain, merci Laure. Il y a un lien très direct entre Dark Throne et ça, j'avais trouvé ça. C'était la surprise. Et c'était la surprise. Et je l'avais trouvé au pif. Je me dis, non, c'est pas possible. Et c'est pas mal. Et en fait, c'est vrai. Il y a donc bien des liens. Il y a bien des liens entre Cradle et Dark Throne. Parce que je suis retombé sur l'interview de David Pibus qui disait oui, j'étais graphiste quand j'avais 20 ans pour Pissuit Records, parce que Pissuit Records c'est un label anglais. Ouais, et donc Cradle est un label anglais, évidemment. J'en suis surpris. Vous êtes bien sur le podcast Baba est surpris. Et là, la surprise de Baba. Plein de surprises. Un truc qui change vachement quand même avec cet album et donc les trois albums qui viennent, c'est que c'est quand même l'empire du blast beat. Hein. Quelqu'un qui connaît un petit peu ce rythme de batterie qui fait. Ouais, mais y a pas que ça. Ouais, mais c'est ce que tu remarques en premier quand même. C'est pas eux qui l'inventent, évidemment. Non, mais c'est une des composantes les plus importantes du black metal. Ainsi que, je suis désolé, je termine, ainsi qu'une nouvelle façon de jouer de la guitare qui a été inventée par certaines personnes. Enfin, une nouvelle façon de jouer de la guitare. C'est Euronymous qui a plus ou moins trouvé ça. Euronymous, c'est Snorrewitch aussi, il y a de Turns. Donc, c'est cette façon en fait où tu fais comme un shred de death metal, sauf qu'en fait un shred de death metal c'est sur une corde en fait, et là tu fais un shred sur plusieurs cordes, ce qui fait un accord, et ce qui fait plus froid, ce qui fait ce son de blizzard. Les tutos de Théo sur... Alors retrouvez-moi sur YouTube, comment apprendre à jouer du tremolo picking. Je vous fais des riffs. Merci à toi Théo. En 92, il y avait quoi aussi, c'était l'apogée du grindcore aussi, il me semble. Ah, en Angleterre, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais déjà, c'est pour ça qu'il part dans le black, Dark Throne, parce qu'il ne kiffe pas le public death metal. Il méprise un peu les death metalleux. Hein. Je sais pas, ils ont écouté beaucoup de death metal, donc ça sera un peu... C'est ce que j'ai vu dans les interviews. Mais ça, c'est la guéguerre black metal, death metal... Non, on en reviendra plus tard sur la guerre. Dans l'interview de 92, Fenris... On pourrait faire une émission là-dessus. On peut faire une émission sur la guerre black death. Fenris, il dit dans l'interview à l'époque de Blaze, il chie sur les death metalleux. Ouais, mais ça, c'est une posture. Pour moi, c'est une posture parce que Fenris adore le death metal, donc c'est totalement une posture. À l'époque, il dit ouais, non, on va faire que le death metalleux, le public death metalleux, c'est les gens, ils sont pas. Ouais, mais à l'époque, c'est un petit con, il a envie de chier sur tout le monde. Il va pas plus loin, hein, c'est des cons, bien sûr. On va faire autre chose, on va montrer aux jeunes que le black metal, c'est une tradition. Il y a quelque chose qui est intéressant justement dans la psyché du groupe, c'est que j'avais lu une interview où racontait Fenris qu'à un moment, il a commencé à faire du trash, et puis il y a tout plein de gens qui sont venus à écouter du trash et c'est devenu nul. Voilà. À un moment, du coup, il s'est dit je vais jouer du death, alors il a joué du death, voilà, c'est un petit peu toutes les démos qu'on connaît. Il y a plein de gens qu'on en a écouté et c'est devenu nul, alors ils ont fait du black metal, c'est comme ça qu'ils justifient d'avoir fait ce revirement de Salsa Journey. Mais ça c'est l'impression que j'ai de beaucoup de musiciens, justement, c'est toujours à chaque fois genre ah putain ça c'est devenu du mainstream. Parce que c'est devenu moins cool. Parce que c'est devenu moins cool. Et genre on va pousser encore le truc, genre le death, ah non c'est pas assez fort, c'est pas assez rapide, bon on va aller encore plus loin. Mais même après black, ça a donné l'Inner Circle, parce que l'Inner Circle c'est quoi? C'est des gens qui se regroupent dans un tout petit caillou noir de leur tout petit style, parce qu'en fait ça les saoule que tout le monde fasse fassent du métal en pensant que c'est ultra extrême en faisant du death metal, eux ils trouvent ça ils trouvent ça de plus en plus nul, parce qu'en plus c'est vrai qu'à l'époque il y a des tas de groupes, il y a des tas de choses qui se passent. C'est les mecs en short avec des baskets. C'est les mecs en short avec des baskets, exactement, c'est ça aussi. Et eux ils trouvent qu'il faudrait quand même revenir sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux dans le métal, et c'est pour ça que ça vient comme ça, black metal et Blazing in the Northern Sky. C'est un album de réaction. Beaucoup de prises au sérieux, surtout que les mecs se prennent très au sérieux. Ah ouais, l'ambiance c'est vraiment. Au moins en apparence. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humour par rapport à tout ce qu'ils ont déjà enregistré avant. C'est vrai que c'est pas très drôle. Katarian Lavko. L'intro de l'album. On est dans un truc occulte, quoi. On est dans une sorte de secte dans les cavernes qui fait des rappels. Oui, alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé justement parce que c'est ce côté un petit peu. Pendant, je reviens vers toi. Mais c'est vraiment l'intro de Blaze. C'est génial parce que ça te met dans un truc, t'ouvres une porte dégueulasse, plein de poussière et d'araignées, ouais. Et tu vas rentrer dans un truc, attention mec, c'est un couloir noir, et il n'y a pas de lumière, hein. Donc tu vas à ta place. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui s'est penché un peu sur les lyrics que... Vas-y, balance. Pour moi, c'est centré sur une espèce de satanisme guerrier, païen. Enfin, c'est vraiment, on est entre le satanisme guerrier et païen, quoi. Alors... Et le côté occulte. Enfin, il y a ce mélange-là, c'est on n'est pas dans des... on n'est pas dans une posture intellectuelle et tout, c'est vraiment un truc, guerrier, c'est guerrier, c'est furieux, c'est barbare, c'est... C'est de la musique de guerre. C'est de la musique de... Ouais, c'est clairement de la musique de guerre, quoi. C'est combatif, enfin, c'est genre... C'est... Voilà, on est Dark Throne et on encule tout le monde. À l'époque des interviews que j'ai lues de Fenris, à l'époque de Blaze, Under the Funeral Moon et Transylvanian Hunger, c'est déjà prévu, en fait. Hein. Il en parle déjà dans l'interview, il fait « Ouais, il y aura cet album-là... » Oui, il avait prévu ça un peu, pas comme une trilogie, mais c'est plus ou moins prévu, quoi. Bah, c'est déjà prévu, parce que les noms d'albums sont déjà là, il dit « Ouais, ça va être trop bourrin après... » Ils savent où il veut aller, parce que de toute façon, les albums sortent les années les uns après les autres, quoi. Donc voilà. On va enchaîner direct avec 93 Under the Funeral Moon, qui est un petit peu plus... C'est déjà crade, il est clairement plus crade. Il est clairement plus crade que Blaze. Il est plus black metal. Là pour le coup, on a vraiment les riffs du black metal. Moi, exactement, c'est en boucle, c'est hypnotique, c'est un album. Si tu veux l'écouter, il faut que ce soit en te concentrant sur quelque chose que tu es en train de faire. Le premier riff, c'est hypnotique, c'est vraiment taré. Ah oui, complètement. C'est un truc de dingue, quoi. Parce que après, direct, l'année suivante, sort Transylvanian Hunger. Qui lui est quand même, j'ai l'impression, l'aboutissement des deux premiers albums. Alors après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aboutissement. On est plus dans le Deep Press Black. Là, moi, j'ai vraiment l'impression de Deep Press, parce que moi, je rappelle, donc c'est le premier album que j'ai écouté de Dark Throne, que j'ai trouvé vraiment avec ce chant très Black Deep Press, qu'on entend beaucoup encore aujourd'hui dans des groupes de post-black, des choses comme ça. Ouais. Mais. Le chant Black Deep Press. Ouais, bah, je trouve qu'il y a un chant de Black Deep Press dedans. Ouais. C'est dégueulasse, de toute façon. Tu peux... Il y a un côté vraiment. C'est le truc où je trouve que le côté hypnotique dont tu parlais, Théo, sur Under, je trouve que c'est là où, t'entends le premier morceau, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et ça n'arrête pas. C'est un blast continu. Ça n'arrête pas, c'est un blast continu avec toujours le même truc. Il n'y a quasiment pas de cassure dans le morceau. C'est jusqu'au boutiste tout le temps. C'est jusqu'au boutiste tout le temps. Même si dans le reste de l'album de Transylvanian, t'as quand même des morceaux qui ont des rappels un petit peu, moi, j'appelle ça un petit des passages hard rock, mais façon Dark Souls, on va dire. Appelle-les comme tu veux. Merci Théo. Je ne suis pas convaincu, mais fais ce que tu veux. Je rigole, mec. Je vois complètement ce que tu veux dire. C'est comme ça qu'ils réussissent à poser un petit peu leur riff en même temps. Il y a aussi une magnifique chanson d'amour sur Under Ruffin dans la Moule. Je suis désolé de le dire. La première chanson d'amour, c'est je ne suis pas désolé. Natasha in Eternal Sleep. Natasha in Eternal Sleep. Comme quoi le blague peut parler de Shatana. C'est quoi les paroles un peu? Hein, ça parle bah, de... ça parle d'un mec qui s'alcoolise la gueule, enfin qui se bourre la gueule parce que il aimerait bien retrouver sa sorcière, sa dark satanique Belovedere. Est-ce que c'est la plus belle chanson d'amour black metal? C'est une erreur que je connaisse en vrai, ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est il doit y en avoir d'autres. Non, il doit y en avoir d'autres. Déjà, comme tu disais, moi, t'appelles ça des morceaux hard rock. Moi, j'appelle ça des morceaux un peu plus, enfin, qui vont donner une couleur au black metal que plein de groupes vont piquer plus tard. Il y a totalement. Moi, ça me fait penser, par exemple, je sais pas si vous avez écouté plus jeune Carpathian Forest. Moi, je pense que Carpathian Forest, ils ont un petit côté un peu dégueulasse avec des claviers sur certains albums. J'aime pas tout, mais il y a un titre d'Under Funeral Moon qui s'appelle To Walk the Internal Fields. C'est un titre hyper mid-tempo, vraiment super bien. C'est assez long et tout. Ça a été reproduit des milliers de fois par des milliers de groupes de black metal en fait. Je sais plus si celle-là elle est en ternaire ou pas. Voilà, c'est ça, exactement. Tu peux la chanter un peu près du micro. Non, mais vraiment, en fait, c'est ça. C'est qu'ils arrivent à ménager à la fois ces boucles très hypnotiques dont on parlait qui peuvent être très rapides avec un blast, etc. Et puis aussi, donc en fait, sur trois albums, en fait, ils travaillent tout ça. Il y a aussi une petite polémique, et je pense que cette polémique, oui, elle est liée à Varg, parce que je suis sûr que c'est à cause de Varg que ce truc est né. Au dos de l'album de Transylvania, il y a marqué Norsk à risque black metal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Moi je sais. Baba, qu'est-ce que t'as dit? Ça veut dire black metal norvégien et arien. Enfin, ou arien et norvégien. Voilà, c'est ça. Ah, les ariens. Mais en fait, encore eux. En fait, il y a deux polémiques, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Parce qu'en fait, Dark Throne. Alors, oui, ça je l'avais lu, je crois que je l'ai lu. C'est dans le Seigneur du Chaos. En fait, Dark Throne, ils avaient demandé à ce qu'une phrase soit inscrite aussi sur derrière la pochette de l'album. C'est ça. Qui était la phrase si vous critiquez votre album, notre album, c'est que vous n'avez rien compris et vous êtes une bande de juifs. Voilà. Pour moi, ça vient de Varg. Alors, Varg Vikernes, qui fait quoi exactement? Il participe à l'écriture des paroles. Donc, il a écrit toute la deuxième partie. Alors Varg Vikernes qui est donc le leader de Burzum On fait un point Burzum. Allez, Burzum. Burzum, qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est quoi? Bah déjà c'est une personne, hein, c'est Varg Vikernes. C'est Varg Vikernes, notre fameux Vikernes, s'il te plaît. Christian Vikernes. Il a changé beaucoup fois de nom. Christian Vikernes, s'il te plaît. Il est né en Norvège. Ah, pareil, c'est un petit con comme les autres. Mais il est plus petit con que les autres. Ah ouais. Parce que lui, il enseigne une couche. Il enseigne le mensonge, il a l'art du mensonge et de la manipulation. Il y a un truc avec Nelson dont on avait parlé, c'était que pour moi, Varg, c'est un mec qui est pas fan de métal. C'est ce qu'il a dit après. Mais pour moi, ça s'entend, et dans ses interviews et dans sa façon de parler, c'est un mec qui est pas fan de métal, qui est venu un peu par hasard. C'est un mec dans sa zone. C'est parce que, comme tous les autres, il t'a manipulé. Il a réécrit toute son histoire. Moi aussi, je suis allé sur Burzum.org quand j'étais petit et j'allais lire toute son histoire. Non, c'est bien, on se coupe exprès. Juste le truc, c'est un mec qui fait jamais de référence à des groupes. Il fait aucune référence à un groupe. Mais il ne parle jamais. Parce qu'il a compris. Metallica, ils font jamais de référence à un groupe, c'est pareil. Enfin, des tas de gens qui savent communiquer comme ça, ils font jamais de référence à d'autres groupes. Si, ils l'ont fait. Ils ont fait des albums de reprise. Excuse-moi, aujourd'hui, c'est vrai. Je suis d'accord. Bon, allez, laissez-moi parler. Mais tout ça pour dire, c'est que si lui il fait pas ça, en attendant, il jouait dans un groupe de death metal avant, il me semble, Varg Vikernes. Il a joué aussi, voilà. Mais il mangeait trop de hamburgers. Attendez, le truc, c'est que pour moi, Varg, c'est juste un mec qui avait pas de pop. Varg, c'est un mec qui avait pas de potes et qui s'est rattaché à ces mecs-là. Ouais, c'est un mec qui a pas de potes. C'est juste qu'il était tout seul comme un con et il s'est rattaché à ces gars-là. Dire ouais, c'est cool et tout. Il est rentré à fond dans le délire. Il a essayé de dépasser ces mecs-là. Il avait plusieurs passions comme le jeu de rôle et puis la techno froide aussi. D'ailleurs, jeu de rôle qu'il a sorti d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il était fan de musique froide, mais il aimait aussi le côté, à mon avis, abrasif que tous ses copains jouaient, le death metal, le thrash metal, tout ça, machin, etc. Début, mais après, les albums, il a fait très bons albums. Dead Son and Gangwar, Aske, etc., c'est quand même bon, hein. Aujourd'hui encore, tu l'écoutes et tu fais, ah, c'est pas mal quand même, tu vois. Enfin, un petit war une fois par an, ouais, tu grave. Vois. Déjà, il fait chanter qu'il est parfait des anneaux, tout ça aussi. Voilà, c'est ça exactement, même les pochettes et tout. Lui aussi, il a créé quelque chose dans les pochettes, mais bon. Y a t'as quand même des pochettes, t'as des pochettes qui sont quand même tirées directement du bouquin de Donjons et Dragons. C'est vrai. Pour faire une dernière digression sur l'Inner Circle, les groupes qui ont le plus influencé, à mon avis, tout le reste du black metal ensuite, c'est pas Emperor, c'est pas Immortal, c'est Burzum et Darkthrone. Que ce soit dans l'imagerie et dans le son, et en fait, et voilà. Dans le côté guerrier, ils ont l'aspect séminal, etc. Ils ont vraiment réussi à faire un pont entre tout plein de genres de métal, de métaux extrêmes, on dit les métaux, de métaux extrêmes différents. Non, pas de métaux. Et tout, voilà, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, Burzum et Darkthrone, eux, ils incarnent vraiment ce qu'on a appelé ils incarnent la seconde vague du black metal. Alors qu'Emperor et Immortal, ils font juste de la musique. Bon, ils ont influencé des tas de choses. Ouais, ils incarnent pas le mode de vie. Bah, c'est le plan, en tout cas, ils sont montés. Tout à l'heure, Théo parlait de l'Inner Circle, et pour moi, Varg a vraiment une influence sur tous ces mecs-là. En fait, Varg a une influence sur toute la scène, ça c'est clair et net. Il a une influence de fou, même sur Euronymous, etc. Sur Fenris. C'est un membre de l'Inner Circle, en fait, qui veut être calife à la place du calife, tout simplement, très vite. En fait, il est un peu jaloux d'Euronymous. Grosso merde. D'un autre côté, Euronymous, il se prend au jeu, il est jaloux de Varg Vikernes aussi, et en fait, tout ce qui merde dans l'Inner Circle, à la fin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est à cause un petit peu de ça, on est d'accord, c'est un petit peu à cause de cette rivalité. Donc Euronymous, qui était à la fois un peu le patron de l'Inner Circle, le guitariste de Mayhem, et l'autre qui était le gars de Burzum, il y a des gens qui ont écrit des chansons là-dessus. Margaroth, Burzum, qui est Mayhem. Génial, j'ai mon petit Wikipédia Black Metal à côté de moi. Donc voilà, pour finir, un soir d'août 93, Euronymous et... Varg Vikernes et Euronymous ont déjà des problèmes entre eux. Des problèmes entre eux. Parce qu'en plus d'avoir son shop, Euronymous avait aussi monté son label, ce qui est finalement assez logique. Death Like Silence, qui peut se traduire en français comme Silence de mort production. Qui vient de Sodom d'ailleurs. Voilà. Et oui, c'est vrai. Regardez-moi, c'est encyclopédia italienne, personnifié à côté de moi. C'est génial. On a bien fait de l'inviter. Et du coup, on a bien fait de l'invoquer. On a bien fait de l'invoquer. De toute façon, on invoquera Baba. Pas Baba, on l'invoque. Il se matérialise dans un. Tu mets Baba trois fois dans ta glace. Ouais. Tu verras ce qui va t'arriver. Pour finir, du coup, voilà, ça se termine très très mal leur relation entre eux. Au début, d'amis, ils terminent en ennemis. Ils s'envoient des menaces de mort. Et un soir d'août 93, Varg Vikernes va assassiner. Euronymous chez lui. Donc avec ce fameux meurtre de Euronymous, et donc tu vas rencontrer ce petit journey de Varg avec, dans sa bagnole à écouter Dead Can Dance avec ce fameux membre de... De Mayhem, c'est celui qui a fondé Torns, ton Théo était très fan. J'aime bien, très fan. Non, mais en fait, il y a le meurtre, les coups de poignard, tout ça et tout. Et 33. Il avait un coup de poignard dans la tête. C'est pas 27, horrible. Enfin, il a donné des détails absolument scabreux et dégueulasses sur la façon dont il a tué Euronymous. C'est très black metal. Je pense que ça plaît à tout. Il tue Euronymous, quoi, clairement. Varg a clairement dit légitime défense, mon cul, tout ça. Bref. Mais alors, du coup, il y avait Snorroch qui était avec lui. Du coup, Snorroch, en fait, a fait absolument rien. Ce qui est déjà une chose assez grave en soi, parce que c'était quand même. Je ne sais pas, mais il a eu des problèmes. Bon, après, il a fini. Je crois que c'est après ça, il est certainement un hôpital psychiatrique ou avant, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Et du coup, ils se cassent, ils ont des explosifs dans la bagnole, ou je sais plus quoi. Ils se font choper le lendemain, si je dis pas de bêtises. Et en fait, quand même, il avait un complice à Bergen aussi, à Varg Vikernes, pour une histoire d'alibi. Enfin, pour exact, oui. Et voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là aussi, il y a l'affaire de meurtre qui était. qui vont sur la police. La police a pas mal mis, a bien galéré sur cette affaire. C'est l'affaire du meurtre du Faust d'Emperor qui a tué un homosexuel dans un parc. Pendant les jeux, jeux de Lillehammer, Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer. Ouais. C'était avant, je crois. C'était un parc olympique qui était déjà construit. L'histoire est compliquée, mais il y a déjà du judiciaire autour de l'Inner Circle. La police commence à s'intéresser à eux. Parce que, en fait, voilà, exactement, vous parlez quand même pas des incendies d'église, c'est quand même important. Allons-y, en fait, c'est à ce moment-là que l'Inner Circle commence clairement à déconner. Là, on est d'accord, au début, ils commençaient à faire un petit peu les choses. Voilà, là, il y a des incendies d'église, qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, c'est judiciaire, la police mal née dedans. Pourquoi il y a des églises qui partent en flammes? Enfin, tout le monde se pose la question, c'est totalement normal. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que c'est des gamins, en fait, qui font ça, des gamins qui s'habillent en noir, qui ont les cheveux longs et qui worship Satan. Et en fait, Mais soyez du temps, c'est pas la première fois, en fait, le meurtre d'Euronymous, on le raconte. Le meurtre d'Euronymous, on le raconte, mais en fait, il était déjà passé devant les juges à ce moment-là, par Vitiaris. Parce qu'il était très fortement suspecté d'avoir incendié des églises. Et la police, je crois, si je dis pas de bêtises, je demande. Ouais, alors il s'en vantait dans ce petit milieu-là, mais en fait, si je dis pas de bêtises, ça n'a pas été prouvé. Non, ça n'a pas été prouvé, mais. Sauf que ce qui est sûr, en fait, c'est qu'il y a une fameuse église qui s'appelle Fantoft. Qui a été incendié, donc qui a été incendié, plusieurs des membres de Black Metal, dont Fenriz de Dark Throne, raconte que en fait il leur a dit Carnes, c'est moi qui ai fait Fantôme. C'est comme ce meurtre de Faust, ils s'en est vanté, et ça a été su bien avant que la police découvre qui avait fait ça d'ailleurs. Donc en vrai, c'est qu'il y avait vraiment, en fait, il y avait cette histoire de la course à l'extrême, en fait, enfin au truc le plus extrême. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pour se faire bien voir parmi les autres, c'était regardez, j'ai fait un truc vraiment extrême, j'ai tué quelqu'un, j'ai brûlé une église. C'est vraiment ça, je suis un bonhomme. Ça va très loin. Et Dark Throne, dans tout ça, n'ont absolument rien fait. Ils ont fait, on est un groupe de black metal nazi sur une pochette, ils ont jamais rien fait. Je pense que c'est l'influence de Varkenes qui est derrière. Et c'est possible, et en fait, parce que derrière, ils s'en sont tout de suite sentis désolés, en tout cas, c'est ce qu'ils racontent. Ils ont tout de suite sorti un communiqué de presse pour dire alors, oui, vous comprenez, chez nous, en Norvège, les juifs, machin, un communiqué de presse qui les a encore enfoncés. C'était très maladroit, ou au moins, ou alors, c'était encore plus pour se foutre de leur gueule, et aujourd'hui ils disent que c'est maladroit. C'est une expression de chez nous pour dire un truc maladroit ou nul ou stupide ou pété, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est encore plus débile d'avoir sorti ça. Donc du coup, à l'époque, tout le monde pense que Dark Throne, c'est un groupe de Inner Circle encore plus bête que les autres parce que. Parce qu'ils sont fachos, mais ils passent pas à l'acte. Malheureusement, ils ont été rattachés à ce. Ils ont participé à ce moment-là de faire ça. Mais aujourd'hui, Fenris, il leur a beau dire tout ce qu'il veut, ils ont merdé. Ils étaient potes avec ces mecs-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois les interviews de Fenris, bon, tu vois qu'il y a une espèce de respect quand même qui existe un peu entre les deux, entre Varg et Fenris. Mais voilà, tu sens que Fenris, il a. Bon, ok, tu sens qu'il te le dit pas. Mais tu sens donc quand ils parlent que bon voilà ils ont fait ces trucs là mais voilà nous mais ceci on dit, voulait pas aller aussi loin quoi. Oui ils voulaient juste aller loin dans la musique voilà dans la musique dans le fait d'aller loin d'être un peu genre avec les pochettes le son etc ils voulaient pas aller dans les actes je pense que Fenris enfin j'ose penser qu'il a sûrement été assez déchiré parce qu'il aimait beaucoup Euronymous aussi et je pense que ça a été vraiment très compliqué pour lui de ça s'entend après dans Until the Light Takes Us j'ai l'impression que ça la vie ce qu'on voit de Until the Light Takes Us il y a vraiment enfin pour moi il y a vraiment cette dépression qui est aussi sûrement liée à ça en fait et, enfin, même si c'est que des suppositions mais j'ose imaginer qu'il y a vraiment le enfin pour eux c'était une période vraiment intense et il y avait plein de conneries qui se passaient un de ses meilleurs potes qui a tué un de ses meilleurs potes et du coup enfin voilà il y a aussi ça à prendre en compte mais après c'est des mecs qui voulaient peut-être un peu plus faible d'esprit tu je vois je pense que certains avaient rien à foutre mais quelqu'un ils sont allés plus loin que les autres quoi juste pas que dans le son quoi l'imagerie eux ils sont allés plus loin ils ont fait comme tu disais les actes ils sont allés buter quelqu'un c'est pas n'importe quoi oui puis dans le bouquin Lords of Chaos tu le ressens bien après je sais que ça a été un bouquin qui était assez critiqué dans la Black très sensationnaliste ouais très sensationnaliste aussi et finalement c'est vrai que tu ressens beaucoup à la lecture du livre que les mecs voulaient aller vraiment hyper loin. Pour moi, ils voulaient aller quand le plus loin possible. Quand j'ai lu le livre, dépasser, pas dépasser les bornes, mais dépasser ouais, vraiment les limites qui, ouais. qui étaient fixées ils par voulaient provoquer la guerre, le pays dans lequel ils vivaient, etc. Non, mais, enfin, oui, il y avait cette idée de provoquer une guerre civile en Norvège, enfin, il y avait des grands idéaux. Non, mais bien sûr, c'est vrai. C'est ridicule, mais il y a cette guerre. Voilà, c'est ça, en fait. Quand Kerrang sort un article sur eux en 93, donc Kerrang qui est le grand magazine, un des grands magazines de métal anglais, voilà, et tout. Premier truc sur l'Inner Circle et tout, donc c'est en 93, c'est avant qu'il y ait les meurtres et tout, mais il y a déjà les incendies d'église, etc. Ouais. Et je crois qu'ils les appellent les satanistes terroristes. Je crois c'est que c'est satanic terrorists in Norway, un truc comme ça. Et il y a tout un dossier sur le black metal qu'ils rejetteront en bloc et ils font des communiqués pour dire que c'est de la merde. Je suis sûr qu'ils ont envoyé des menaces de mort aux journalistes et à Kerrang et tout, c'est obligatoire. Tout ça, bon voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de vent derrière, on en rigole quand on en parle aujourd'hui, mais il y a quand même eu des meurtres, il y a quand même eu des morts, etc. Et Kerrang, ils avaient pas tort. C'était des terroristes en puissance, ils auraient pu aller plus loin. Ils ont brûlé des églises, il y a eu un civil qui est mort, cet homme qui aurait fait des avances à Faust dans un parc, en tout cas c'était ça. Homosexuel d'ailleurs. Oui, Faust sortait d'un bar, il était trop bourré, il a traversé un parc, il s'est fait accoster par un homosexuel et... Voilà, il s'est dit, ouais, c'est le moment de tuer quelqu'un. C'était son moment de tuer quelqu'un. Le mec est chargé d'influence. Il devait parler à d'autres gens qui étaient des blagues, machin. C'est dingue, ouais. Le mec, il est chargé, c'est chargé qui était complètement chaud. Pour faire une petite conclusion sur l'Inner Circle, comme ça on boucle là-dessus, on repart vraiment dans le vif du sujet. Ouais. L'Inner Circle, à ce moment-là, ça se délite quand même un peu, on peut dire ça. Il y a pas mal de gens qui vont en prison, même des gens qui sont pas des musiciens de l'Inner Circle, qui sont juste des suiveurs, en fait. Oui, il y a Samok qui est un membre d'Emperor. En fait, tous les membres d'Emperor, sauf Izan, sont allés en prison, par exemple. Tous. Ouais, oui, bah, tous. Ouais. Et d'un autre côté, voilà, Mayhem, ils perdent Ronnie Moose, donc ils sont obligés de faire autre chose. Et on parle de Dead, on en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dead, qui s'est suicidé, le premier chanteur des membres de Mayhem, qui est Ronnie Moose. Pas le premier chanteur, attention, le premier chanteur de Mayhem est Maniac. Oui, très bien, effectivement. Avant Dead, désolé de faire l'encyclopédie une fois de plus, mais oui, c'est avant Dead. Voilà, sur Discord, c'est Maniac. Vicky Baba. Pour finir, en fait, ça commence à sentir le roussi, même cette très mauvaise blague, à mon avis, qui commence au début, ça commence même plus à les faire rire eux-mêmes. Ça commence à aller trop loin, ouais. Voilà, et en fait, si je puis me permettre d'enchaîner sur Dark Throne, ça va se ressentir sur la suite de la discographie Dark Throne, indéniablement. On a bouclé la fameuse triplette des trois meilleurs albums que j'en connaisse entre 90 et 94. La plus extrême dans la musique et dans ce qui se passe. Blaze and the Refugee Army entre les bancs. Le cri de Transylvanian Hunger. Le cri, voilà. Référence à Edouard Munch. Ah, Munch. Munch. On peut faire un parallèle. Munch. Comment elle dit, Bégarde? Putain. Écoute, on l'appelle. Non, mais ça, c'est vraiment dans une Tizolac Tekus, cette référence, et je la trouve très. Texas, partout. Texas. Excuse-moi. Comme le Texas. Comme Texas, oui. Je connais mon anglais, mais là, je suis un peu. C'est pas grave. Bon, après tout ce bordel, ouais. Dark Throne va changer de label. Va passer chez Moonfog, il appartient à Sigur Von Graven. Mais c'est qui lui? C'est Satyr. Sigur Von Graven, le chanteur de Satyricon. Satyr les cons. Alors cette vanne là, je sais pas si je vais la garder. Hein. Je pense qu'il essaie de nous faire comprendre subtilement qu'il déteste ce groupe. Bah j'ai acheté Now Diabolical quand j'étais jeune et heureusement je l'ai vendu. Bon. Et Dark Medieval Times, pas convaincu. Ouais, c'est un bon album, mais je sais pas. Pas les bons aussi. Dark Medieval Times, c'est un très bon album d'après tout le monde. Je ne sais pas. Il y a des Mises Divina. Ouais, des Mises. Très bien cet album. Ok. Je me tais. Bref. Bon, alors, durant cette période, Dark Throne vient de sortir à peu près 8 albums, à une cadence assez régulière. Toujours dans la veine black, mais avec des sonorités et des inspirations assez différentes. C'est aussi à ce moment-là où Dark Throne va arrêter de faire des concerts. Darson faisait des concerts. Ils en ont jamais fait beaucoup, je crois. Non, ils en ont fait à peu près 5-6. Hein. Ouais. Attends, 5-6 sur autant d'années, c'est pas non, faire des concerts pour moi. Hein. Ouais, c'est... Genre, c'était un groupe déjà. Tu vois, quand on parlait du mystère du black metal, ça aussi. À mon avis, ils ont fait plus que ça, mais effectivement. Ils en fait plus. Ils en ont pas fait beaucoup. Peut-être plus. Des initiés, quoi. Mais en tout cas, ils ont pas fait beaucoup de concerts. En tout cas, ils ont arrêté. C'était pas leur volonté de se produire sur scène. Sur YouTube, il y a déjà des vidéos, ce qui laisse penser qu'il y a quand même plus que 5-6 concerts. Ils ont arrêté surtout parce qu'en fait, là, ils vont, après donc Transylvanian Hunger, ils vont perdre leur dernier membre. Donc ils vont se retrouver à deux. Ah, il va s'en aller. Il va s'en aller et enfin, ils vont le perdre. Parce qu'on n'est plus dans les... Oui, il est pas mort. Tout le monde ne meurt pas à la fin. Il faut préciser, il ne meurt pas tous. Il y a des gens qui surprennent aussi Game of Thrones. Il y a encore des gens qui font du black metal. C'est un peu le Game of Thrones du black metal. Donc là pour le coup ils vont se retrouver à deux, donc forcément arrêt des concerts. Voir tout seul, mais parce que Panzerfaust par exemple c'est un album qui a quasiment été fait tout seul. Quasiment, mais en tout cas à ce moment là ils vont arrêter de faire des concerts. Et donc ils vont enchaîner avec premier album sous une fog, Panzerfaust. Putain d'album. 95, Panzerfaust. Voilà, tu peux y taxer de nazis tout ce que tu veux, les mecs utilisent quoi comme nom d'album? Le nom d'une arme anti-chair utilisée par qui? Les nazis. C'est un putain d'album. Oui, bien, mais pas que ça d'ailleurs, il y a les paroles de Quintessence qui est un des meilleurs morceaux de Darkthrone, qui est l'avant-dernier morceau de l'album. Ce morceau est énorme. Les paroles sont écrites par Warwick Arms aussi. Aussi. Et c'est un putain de morceau. Voilà. Moi je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté pour faire ce podcast. J'ai vraiment je l'ai écouté plusieurs fois. Il défonce. Et j'aime beaucoup cet album. Il a ce côté un petit peu lent, une ambiance. Il est toujours sombre et noir. Il est très lo-fi. Il a été enregistré par Fenris tout seul dans son studio. Et après, en fait, c'est Nocturne Occulto qui a fait les voix par-dessus. Mais c'est vrai que les voix, par contre, il y a pas très longtemps, je te vois là, mais. C'est vrai qu'au niveau des voix, il y a toujours un décalage. Ouais, mais en fait, on dirait qu'il est complètement bourré et il y a ce décalage-là. Mais moi, j'adore en fait. Les voix sont très. Sont très fortes en fait et sont très différentes du mix. Ouais, après, et du coup, j'aime beaucoup parce que y a vraiment cette voix. Enfin, c'est plus la voix de Darkthrone qu'on a connue, super vénère, genre super. Ouais, genre, tu vois, et là, c'est une espèce de voix de mec bourré qui est dans la dépression totale. C'est un peu plus extrême. Il y a ce côté vraiment. Putain, le mec, il est dans sa cabane, dans son chalet et il enregistre ses voix tout seul en s'enfilant des bouteilles de whisky à la chaîne. De toute façon, moi, je préfère le premier album de ce monde. Qui c'est qui a du feu? Ouais, si, juste une petite chose, c'est juste en fait au moment, juste après où sort Panzerfaust, c'est un album qui sort, en fait ça aurait dû être le deuxième album de Darkthrone. C'est ça, non. Juste petite bizarrerie, bon c'est pas super intéressant en vrai, moi, je trouve, au titre du reste de leur discographie, mais pour les fans c'est intéressant quand même, parce que si ça avait continué à être un groupe de death metal, ils auraient sorti cet album, Gotlord, qui sort en 96 en fait, mais qu'ils ont commencé à enregistrer. Ça peut être la suite de Soul Cycle. Voilà, ils ont commencé à enregistrer juste avant leur période black metal, qui aurait dû être la suite de Soul Cycle. Gotlord, en fait, quand ils le sortent en 96, c'est presque bah voilà. Genre, tenez. Bon, faut quand même qu'on sorte. Je sais pas s'ils honorent pas leur contrat avec Peaceville en sortant. Je sais pas si Gotlord est sorti sur Peaceville, mais c'est une bonne question. Non, Gotlord a été enregistré et sorti sous Moonfog. Moonfog. C'est intéressant parce qu'en fait, ils avaient déjà des projets d'albums. De plusieurs années, mais en fait, selon leur rencontre, ils ont fait les albums qu'ils voulaient faire sur le moment, quoi. Ouais, et alors ils sont sortis plus tard. Ils avaient d'accord, de côté, quoi, en fait. Au moins, ils s'interdisent rien. Mais on va ressortir d'autres albums qu'on a déjà composés. Surtout que la voix a été rajoutée bien après pour Gotlord aussi. Sur les Frostland Tapes, en fait, qui est la compilation des démos, t'as une version de Gotlord totalement instrumentale de l'époque. D'accord. Sans voix ni sans rien. Sans voix. Ouais, il y a du chant féminin sur Gotlord. Ça c'est assez étonnant d'ailleurs. Bah, tu l'as pas écouté alors. Mais ils ont enregistré les voix en 94, si je ne me trompe pas. La version album. ils se sont cherchés entre eux, chose, sur pure chanson. Bah, en tout cas, il y a un côté où, genre, bon, bah, il, là, Darkthrone est un peu en, pas en roue libre, mais presque, quoi, parce qu'ils ont enchaîné, donc avec, après Panzerfaust, en 96, Total Death, que je trouve totalement chiant. Ouais, franchement, je suis pas d'accord. Il est pas mal, mais il est pas ouf. Non, parce que moi, c'est le premier album où je réentends vraiment les influences Bathory. Ah ouais, je trouve que vraiment il y a ces choses là qui ressortent, ouais, c'est vrai. Et où tu vas entendre quelque chose que tu vas entendre plus après et que Nocturne Occulto et Fenris rejouent énormément plus aujourd'hui, et c'est à ce moment là que ça ressort, je trouve. Non, mais franchement, t'entends des chansons qui te donnent envie de débarquer sur des côtes inexplorées, d'aller piller leur village. La pochette est géniale. Il y a toujours le thème cosmique en fait, on voit toujours à ça. Voilà, bah ça revient à cette journée, c'est vraiment. L'aspect froid, toujours, un peu spécial, etc. Toujours froid, alors ça, les pochettes de Darkthrone. Vraiment, sur c'est bien d'avoir Dark Space. Mais voilà, il y a des chansons. Y a la première chanson elle s'appelle Earth Last Picture et c'est vraiment. T'as vraiment l'impression que c'est un raid viking, mais raconté trop mignon. Voilà, un raid viking, mais punk en fait. C'est, voilà, mais il y a un côté. Il y a déjà un côté un peu ridicule, mais dans un bon sens du terme que j'aime bien, un peu grotesque. Un Space Drakkar. Voilà, peut-être quelque chose. Space Drakkar, Space Drakkar. C'est un album assez furieux, encore une fois, quand même. Il est assez furieux, ouais, mais je trouve ça un peu mou du coup. Non, il y a peu de temps mort, et c'est. Je suis pas convaincu par la barre. On parle dans un album un peu de Darkthrone, des fois ça redescend toujours un peu. Ouais, c'est bien cool, mais après il y a toujours des riffs un peu doux qui sont doux. Ça commence un petit peu à pas à tourner en rond, mais on commence déjà à entendre un petit peu de même de temps en temps. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant que les trois. C'est ce que je dis sur Total Death, quoi. C'est vraiment. Et en plus, le truc, c'est que Total Death qui. Moi je trouve qu'il est un peu chiant. Ouais, c'est intéressant. Mais en plus, attends, parce que genre avec Gotlord qui en plus te ressort un vieux truc. Et donc c'est vraiment genre. Darkthrone, ça pue limon, quoi. C'est genre, il te ressent des vieux machins. Bon voilà, on est en 96 quand l'album sort. L'aude. L'aude de métallique. On en revient toujours à ça. Après Gotlord, donc on est en 96, le groupe fait une petite pause entre 96 et donc 99. Nocturne Occulto va partir chez Satyricon pour défendre l'album Mémis Divina en live. Il enregistre, je crois qu'il apparaît sur l'album, mais il part en tournée avec Satyricon. Ouais. Et en fait, de son côté, Fenris, on sait pas trop ce qu'il fait. Je sais qu'il y en a qui ont des news. Des informations de on a des news, j'ai des news, Romain. Ah là là, BFM TV là. News, oui, j'ai lu une interview où il disait qu'il était guidé. C'est ça ta news. C'est ça ton scoop. Ah, après, je comprends, le mec il a fait 10 albums en temps très court. Il s'est plus trop vilain, quoi, en fait. Hein. Ouais. Non, et puis il y a des gens qui meurent, qui vont. Ouais, c'est en fait, pour moi, c'est. Quand j'ai lu ça, en fait, c'est. J'imagine, quand tu me mets à sa place, il sort de la tête de l'eau, enfin. Il a été dans un truc, Inner Circle. Pas plutôt, il a du recul par rapport à ce qu'il a fait, quoi. Il y a des gens qui sont un peu mal autour de lui, enfin, faibles, ou des gens un peu. Qui t'agrippent un peu, tu vois. Mais des connards surtout, quoi. Parce que moi, j'ai souvent l'impression que c'est une bande de connards, tout ça. On ne juge pas, mais bon. Et je pense qu'il a envie de s'abuser de tout ça, en fait. Mais je pense qu'il y a à ce moment-là, il était pas mal, je pense, à fond dans l'acid house et la techno. Peut-être était là-dedans, mais après, il y avait aussi, faut pas oublier. Il aurait dû faire la fête. Ouais, mais attends, quand même, il y a aussi Isengard et tout ça, donc on n'a pas parlé. Les projets, c'est vrai, il a ses projets solo à ce moment-là. Et du coup, il y a ça avant même. Et ça aussi, mais donc Fenris, clairement, je pense que c'est période, voilà, il a un projet tout ça. Et non, mais vraiment, enfin, il a vraiment pour les techno, tout ça. Il prend des acides avec Dan Linker de Nuclear Asso et la Brutal Trousse. Le mec, enfin, dans sa ferme, dans la ferme de sa maman, il prend des acides. Enfin, voilà. Ouais, il s'est joué. Non, mais ça, c'est une anecdote. En vrai, vous me laissez parler. Non, en vrai, on s'en fout, c'est des anecdotes, mais je pense que il avait peut-être aussi besoin de respirer, mais bon, on n'est pas là pour faire les people du black metal. Je pense qu'il y a une période. Il y a une période. Non, mais ça peut justifier une direction musicale. Non, non, oui, oui, clairement. Vous allez bien ou vous allez pas bien. Ouais, bien sûr. C'est par rapport à ça. Mais je pense que cette période-là, il. J'en avais vu, ouais. Il a un peu. Non, mais il a vraiment. En plus, vraiment, la techno, c'est un truc important pour lui, que je répète, mais il s'est fait tatouer quand même le logo d'un des labels. Il s'est fait tatouer le logo d'un des labels de Détroit. De Asylum ou sur d'accord, donc c'est Détroit ou Chicago. Excusez-moi, c'est quoi le logo je ne sais plus quel label, j'ai oublié le nom, c'est con, j'aurais dû le rechercher. Logo, c'est quoi, mais c'est un logo, je crois qu'il y a une sorte de symbole primitif, quelque chose comme ça, mais je sais pas où le label. Mais bref, il enfin voilà, il est. Ouais, il s'intéresse aussi. C'est à voir avec l'Asylum et il s'intéresse à il s'intéresse à d'autres choses et il est sûrement. Enfin voilà, il s'intéresse à plein de choses et il n'y a pas que le black metal et du coup, il y a sûrement besoin de respirer. Tout ça et comme disait Théo, il y a aussi ces side projects, il y a Isengard, il y a Neptune Towers, j'ai plus les dates par contre, donc peut-être 94. Exactement, c'est 94-95. 94, il fait de Dark Run, il fait de Neptune Towers, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire en deux mots, c'est le truc là, c'est. Isengard, c'est side project, alors Isengard, moi je. Isengard, pour moi, c'est du. Sort de black metal crado avec des influences ultra paganes et folk, quoi. C'est assez folk, c'est en chant et tout. Ouais. C'est très, en fait, il y a ce côté tradition norvégienne un peu. Il y a, c'est très viking. Il y a comme des riffs, comme il y a des gros riffs. Et c'est super bien. Et c'est vraiment super bien. C'est un. C'est un peu la musique de troll de la forêt, quoi. C'est super bien. Pour autant, ça n'a rien à voir avec Arcanum. Pour autant, ça n'a rien à voir avec Arcanum. Pareil. C'est pas Zelda, c'est pas Zelda. Ça n'a rien à voir avec Arcanum. C'est pas Zelda, mais c'est pas loin, parce que c'est quand même Tolkien. C'est Zelda, un peu ça. Mais moi je trouve que Isengard c'est super bien, enfin les vraiment les anneaux sont chouettes, c'est crado, c'est pagan, c'est comme être dans voilà, un troll dans la forêt qui se bourre la gueule et qui court tout seul dans la forêt, quoi. Enfin je sais pas, c'est une image à la con, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait parce qu'il mixe son côté tradition norvégienne, musique folklorique avec vraiment le côté destroy, trash, voilà, enfin gros riff quoi. Que nous on ne pourrait pas faire en même temps. Pas mais moins le fort en tout cas. Mais après c'est vrai que tu parlais Baba de ce côté de genre le côté électro, techno, etc. C'est vrai qu'avec Neptune Towers, c'est là où justement il a. Finalement parce que Neptune Towers c'est quand même 94-95. Ouais. Deux albums successifs, pardon. Empire to All Gold, et Caravan. Et là par contre pour le coup t'es vraiment dans un. Bon, c'est. Moi je vais dire un peu très méchant. Ouais. Mais alors par contre quand j'écoute ça j'ai l'impression d'écouter de l'ASMR à la con quoi. Moi ça me fait chier un peu. Parce que franchement, l'ASMR quoi. Donc, l'ASMR, c'est une espèce de petit son par contre. La ASMR, c'est quoi la ASMR? Tu chercheras sur YouTube, tu verras. ASMR. ASMR. Et en fait si, mais c'est un truc psychologique en fait. ASMR, en fait c'est un problème. C'est des vidéos des gens chuchotent. C'est ça. Exactement. En fait il y a ce côté où je trouve que en fait le mec il en fait bidouillé. Il savait pas trop où il allait. Les gens c'est leur king. Ah, attendez, vous parlez tous en même temps là! Mais pour moi, c'est de l'ambiance un peu, mais pas de grande qualité quoi. Ouais, on dirait la musique d'ascenseur quoi. Ouais, c'est très méchant quand je dis ça. Mais c'est, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça quoi. C'est de l'ambiance, c'était sympa. C'est la même merde que les albums de Bronzo en fait. Non, rien à voir en fait, non! Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec Théo. Non. Mais alors, je pense que Barbican, ça a plus de talent. Là, je la garde. Vous pouvez l'écrire sur ma tombe. Ça a plus de talent. Barbican, ça a sûrement un peu plus de talent là-dedans que Fenris, mais je suis quand même un peu d'accord avec toi. Je pense que c'est des trucs qui ont quand même marqué. Ouais, qui ont... Qui ont quand même marqué un petit peu les blackeux dans le sens où t'auras toujours un mec, un blackeux qui va te dire genre, ça, ces albums-là, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Après, c'est le ressenti de chacun, tu vois. C'est, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je trouve que les albums ambiants de Burzum sont plus marquants que Neptune Towers. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pour Isengard, je suis d'accord avec toi, Nelson. J'aime hyper froid, c'est malsain, c'est froid. Je trouve que Burzum, il n'y a pas une guitare, il n'y a pas une batterie. Il l'avait déjà fait plus que Fenris dans ses albums, il savait déjà mieux faire. Pour Isengard, je suis. Isengard, je connais plus. Je suis pas d'accord. enfin pas d'accord dans le sens où c'est un groupe qui a un peu, enfin ça a pas marqué, mais c'est un groupe qui, il y a quand même des albums qui restent. C'est un peu balourd, hein. C'est et... bien, mais c'est un peu balourd. Non, c'est un peu voilà, mais il y a des gens qui, il y a pas mal de gens qui apprécient Zangar. J'aime bien, j'ai écouté le premier CD, cet après-midi là. C'est un très bon groupe, ça. Mais oui. Mais se taper voilà. Toute la discographie. Et après, ce qui reste, c'est que j'aime pas pour la petite anecdote, ce qui reste, il y a les mix sur SoundCloud de Fenris de Acid House pendant des heures. Voilà. Ah donc, oui, j'ai eu ça. Ça n'a rien à voir, avec Neptune Towers, il mixe juste des morceaux. Il pioche un peu partout, il fait un mix comme les DJ font, et voilà quoi. Mais il a toujours sa passion pour la musique électronique quoi, qui existe. Voilà. Et, bon. Il fait pas mal de petits, en plus de son émission de métal, il y a ça aussi. Ouais, il y a son petit podcast aussi qu'il anime où il balance ses meilleurs morceaux, ses meilleurs albums de métal qui kiffent à balle. Ça, il aime bien faire ça. Bon, bref, après toute cette petite pause un petit peu bordélique. Hein. Ouais, chaotique. Chaotique surtout. Comme ça, c'est ça s'entendra, en tout cas ceux qui l'ont écouté l'entendront. On arrive en 99 à l'aube de l'an 2000 avec Ravishing Dreams, Plague Grimness, c'est Grimness. Hein. Ravishing Grimness, Grimness, ce sera Grimness. Vraiment l'émission où ça a été très difficile de dire les noms des trucs. 99, hein. Ravishing Grimness, 2001, Plague Wilder, je sais pas comment prononcer. Ouais, en plus. Plague 2003, et le dernier, Sardonic Wrath, en 2004. On va attaquer la dernière période de Darkthrone sur Moonfog. Donc il y a 4 albums qui sont sortis. Je les trouve un peu en roue libre, mais par contre, c'est vrai que je crois que toi, Baba et Théo, vous avez bien aimé Ravishing Grimness. Vous avez beaucoup de choses à défendre dessus, je crois. Non, j'ai pas énormément de choses à défendre, mais Ravishing Grimness. J'aime bien leur ambiance générale, je trouve ça cool, et puis plus cool que tout ce qui suit après, sauf Sardonic Wrath, que j'aime bien aussi, d'ailleurs. Mais Exem et Plague Wilder, j'ai vraiment à dire. Tu vois comment on parle de cette discographie-là, de cette partie de leur discographie, personne n'a rien à dire. On s'en fout. C'est Darkthrone en pilote automatique, je conseille à personne de rentrer dans Darkthrone par ça, et tu verras que c'est un album de Black Metal générique. C'est ça, c'est générique. Enfin, c'est générique pour Darkthrone, c'est plus intéressant que 50% que ce qui sort. C'est vraiment genre, on rentre vers la dernière pente de Darkthrone. Et même, ça se voit dans les pochettes déjà, tu vois, les pochettes différentes. Les pochettes, c'est n'importe quoi. Ils essayent, ils testent quoi. C'est autre chose. Par contre, je retiendrai quand même l'album 8Zem que je conseille à écouter pour ceux qui aiment. C'est vrai, ouais, c'est un album à écouter quand même, pas pour ceux qui sont fans de Darkthrone, mais... En vrai, encore une fois, c'est meilleur que la majorité des trucs qui sortent. Bien sûr. C'est juste que pour Darkthrone, je pense que la personne de dire « Ouais, c'est génial, j'ai écouté Plague Wilder, c'est le meilleur album de Darkthrone », personne t'a jamais dit ça. Il y a des gens sur YouTube qui disent ce genre de choses. Ah voilà, exactement, putain, je voulais parler des commentaires YouTube sur chaque album. Sur chaque album de Darkthrone, YouTube, c'est un monde étrange, faut qu'on passe un podcast à toi. T'as toujours le même tocard qui dit « Oh, tu sais, l'album is underrated. Ta gueule !» Ta chaîne aussi est underrated. Il met ton album de métal toutes les semaines. Comment je sais bien, je parlais du mec. Non, après, bon, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils s'en foutent un peu, mais bon. Il y a quelque chose qui se passe en fait, c'est que par contre, tu sens quand même une production Moonfog. Quand t'écoutes Satyricon et quand t'écoutes. Qu'est-ce que t'appelles la production Moonfog? C'est difficile à dire avec des mots. C'est chiant. Tu vas tenter de le dire. Je suis pas d'accord, c'est pas ça du tout. Non, moi j'aurais pas dit ça du tout. Justement, le son des albums de cette période-là, il est assez bon. Enfin, moi, c'est vraiment un son que j'aime bien. C'est froid. Ouais, c'est froid, mais d'un autre côté, il y a quand même une espèce de punch derrière. Bon, c'est difficile à expliquer avec des mots, faut expérimenter. Si t'aimes bien un petit peu Satyricon ou Thorns, des choses comme ça, Thorns, t'es carrément sur des choses presque industrielles, et puis les albums de Satyricon à ce moment-là, c'est un peu comme ça. Mais oui, mais c'est ce genre de froideur moi que j'entends dans ces albums-là, et tu ressens un petit peu dans ces albums de Darkthrone, c'est un peu bizarre, à mon avis, c'est des choses qui sont peut-être pas super fiers aujourd'hui. Pas une période très intéressante tout ça. Sardonic Wrath, pardon, finit un petit peu la période Moonfog. Ah, Panda. Oui, putain, 2001, Plague Wilder. Ok. Allez, vas-y. Album pas ouf du tout, mais putain. Mais pas mal. Mais pas mal non plus. Mais, Putain, au niveau de la haine, on est bien là. Hein. Bon, il y a un autre. Bon, bah alors j'ai trouvé le mec dont c'était l'album préféré. J'ai pas dit que c'était un album préféré. Ça y est, trouvé, on l'applaudit. Et les visuels. Oh, Panda, vas-y, balance tout ce que t'as. Non, moi, comme a dit Fenris plus tard, hein, quand il parlait de Transylvanian Hunger. Transylvanian, enfin bref, il parlait de ces mecs totalement fans et qui démordaient pas en fait de Dark Throne. Il appelait ça des vampires de chambre. Oui, j'ai vu ça, c'est génial. En fait, j'en suis peut-être un finalement. Mais donc, c'est pas mon album préféré, Plague Wilder. Mais. Il y a un truc en fait dans cette année, c'était 2001, il y a aussi ce qui s'est passé aux États-Unis et tout le bordel quoi, il y a en fait une sorte de chaos ambiant, et cet album en fait, t'as l'impression en fait c'est comme dans Dragon Ball où le mec il lève les bras, il fait « Allez, toutes les forces de la nature, venez à moi !» Il fait une grosse boule, il l'envoie. Et là, en fait, t'as fait un Alex, il va falloir que tu nous sortes une référence. J'ai pas la truc Dragon Ball, je t'adresse à toi directement, Alex. S'il te plaît, sors-nous le... Et puis ces acolytes qui sont là, ils lèvent les bras, ils font « Allez, donne-nous beaucoup de malheur, du meurtre par milliers, du terrorisme, qu'on envoie ce CD sur ta platine !» Et voilà. Et en fait, t'as ça, t'as un peu ça, quoi. Un espèce de... Un pur concentré de haine. Une bonne grosse galette de vénéritude, voilà. Tu vois. Tu parles de sardonique, là ? Voilà. Ça confirme... Ça confirme ce qu'on disait, en fait, c'est que, bon, ça reste quand même meilleur que la plupart des choses qui sortent à l'époque. Exactement. Même un album de Dark Throne, tu peux le prendre comme ça et dire « c'est pas mal ». C'est toujours pas mal. Bref, on finit cette période un petit peu relou. Relou quand t'écoutes le reste, encore une fois. On va rentrer dans la bonne période. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans les périodes un peu intéressantes de Dark Souls. Parce que là, on va rentrer sur 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Où, c'est quoi le label, du coup, là? Alors là, ils reviennent chez Bizzville. Parce que Moonfog se casse la gueule. En fait, vous êtes plus des nazis, on veut bien que vous reveniez. Ah, bah, vous êtes des nazis. C'est bien, moi, Bizzville. Du punk. Et donc, ça revient... pas en force, mais assez quand même, avec un morceau, enfin un album. Il y avait un EP qui est sorti, hein, Tool to Cold, qui est sorti un petit peu avant. Tool to Cold, qui finira sur The Cult is Alive. Exactement, voilà, sûr, et qui finira sur en 2006 avec The Cult is Alive, qui est un album. Alors là, c'est terminé le black, enfin, en tout cas l'ambiance est toujours là, mais le punk est très présent. Là, on rentre dans une autre... dire c'est terminé le black. Ouais, parce que... Non. You call your metal black, un peu, mais... but it just plastic lame and weak. Voilà. Exactement. Et les paroles, je trouve que c'est la réponse à tous les poseurs du black metal, en fait. Fenris, il a la haine contre les poseurs. Mais grave, putain, mais c'est et ça. Tu vois ça déjà dans Into the Light. Il parle de plastic black metal. Ouais, c'est genre Cradle, c'est plastic layman week, genre. Voilà. Le black metal, c'est devenu n'importe quoi. Et nous, on fait du punk, et nous, on est vraiment rock'n'roll, et nous, on est vraiment des freaks. Et vous êtes tous des monstres. Et vous êtes tous des putains de poseurs. C'est parce qu'en fait, faut pas oublier quand même qu'en fait, si on est un petit peu querelleur là, un petit peu là-dessus sur tout ça, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, il arrive des racines un peu punk, crust, on va dire, un peu plus, enfin des trucs comme ça, et puis ils reviennent à des choses un petit peu. Parce qu'ils voulaient faire. Des beats, quoi, des trucs comme ça. Et il y a des chansons qui ont des noms à la con aussi, très marrant, je sais plus, j'ai un petit peu oublié. Graveyard Slut, enfin Whisky Funeral, un truc comme ça. C'est des camoulox de trucs qui sont d'un côté punk et de l'autre côté black metal, en fait, t'as l'impression ça. Et tu pourrais faire un générateur de chansons de mascotte, il y a une mascotte qui arrive sur les pochettes aussi. Pas encore, la mascotte n'est pas encore là. C'est l'album d'après. Mais on est presque dans les gauches, parce qu'il y a déjà un personnage. Enfin bon, bref, voilà. Mais The Cult is Alive, il est très très bien, c'est écouté. C'est un super album, c'est très sympa, c'est ultra catchy. C'est un des premiers albums de Dark Throne. Des très gros refrains. C'est très. Moi, c'est l'album par lequel j'ai réécouté Dark Throne. Moi, c'est un des premiers albums. Après la fameuse anecdote que j'ai racontée en intro de l'épisode, c'est le premier album que j'ai réécouté de Dark Throne. Je me dis, ah, il part sur un autre délire et tout, etc. J'ai réécouté, ça m'a. J'ai pas spécialement accroché, mais je me dis, ok, d'accord, il part dans un autre délire, quoi. Et c'est vrai que l'album, je me suis dit, il y a encore cette ambiance black, mais par contre ça part vraiment ailleurs. Ouais, c'est vraiment on va, j'ai aimé que c'était rock and roll punk. J'ai préféré limite black and roll. Ouais, c'est ça, j'ai adoré ce côté-là. Mais ça amorce complètement la dernière période à cette époque-là, en fait, en 2006, quand je voyais. Et c'est là où je vais faire un petit point Lila. Ah oui, alors stop. Le point Lila. J'avais un rocard au mois d'août 2006, tu vois. Et il y avait 4 pages sur Dark Throne avec des belles couvertures. Mais non. Théo, t'es casse-couille. Des belles photos de Fenerys. Théo, t'es putain, en fait, c'est Lila, en fait, qui est dans c'est Lila, dans c'est Lila. Alors, Lila, on lui fait tout ça. Et ça, je me suis rendu compte. Gros bisous à Lila. Je me suis rendu compte qu'elle avait une fan de Fenerys. Elle avait une moustache, en fait, elle portait des culottes. Notre sosie féminin préférée. C'est quand même la seule meuf qui s'est fait une banane avec Fenerys dessus, quoi. C'est magnifique, Lila. Ah oui? Allez, on avance. Donc 2006, The Cult Is Alive, donc qui redéfinit un petit peu les contours musicaux. Marquant, de... hein. Bah, c'est marquant quand même de Dark Throne. Ils changent pas mal leur style. On va enchaîner avec 2007, Fuck Off and Die. Fuck Off and Die, Dark Throne and the Black Flight, Circle the Wagon, The Underground Resistance et le dernier Arctic Thunder. Donc là, on est vraiment sur une progression. Et là, je sais que Nelson, là, tu as beaucoup de choses à dire parce que c'est des albums que tu as le plus écouté. Bah, il les a saigné, le salaud. C'est là où j'ai redécouvert Dark Throne avec surtout Circle of Dragon. Ouais. Le côté punk and roll, Black. J'ai redécouvert. Je connais plus ces albums-là que les albums Black, en fait. Bah, tu les as beaucoup vendus parce que je sais que je m'en avais beaucoup parlé. Moi, Circle of Dragon, je souscris complètement. Bon, c'est un super album. En fait, ça me parlait plus que le. Alors, plus cette énergie punk. Punk est vraiment assumé que tout black metal, que tout motif, en fait. Oui, mais en fait, vraiment, vous vous tenez trop à dire punk tout le long, mais en fait, faut se rappeler. Moi, je n'écoute pas trop de punk, Je sais, mais on peut le dire comme ça, mais moi, je dirais plutôt qu'en fait, ils sont vraiment revenus à leurs influences Hellhammer, Bathory, Celtic Frost, Sarcophagos, genre de machin. En fait, ils disent Dark Throne, en fait, Dark Throne, ça a toujours voulu être comme ça, sauf qu'à une époque. Bah, en fait, on a fait du black parce par que. Par leur entourage. Et les influences Heavy et Speed aussi un peu limite, mais c'est plus ça. Ouais, voilà, c'est ça, mais t'entends. Franchement, dans Circle the Wagon, par exemple, quel album de 2010, je conseille vraiment de l'écouter. Et t'entends vraiment du bon revival de Bathory. Quand t'aimes bien Radio Fenris, ces trucs-là, tout ce qui peut te conseiller quand tu fais tout ça. Radio Fenris. Tu es un petit peu dans le metal old school, un petit peu underground, franchement, tu es très bien. Je sais dit. Circle the Wagon, c'est un très bon collage de riffs. Comme ça, un petit peu. Ah, du coup, il revient à quelque chose, metal punk, et vous avez raison, c'est peut-être quand même un petit peu plus Fenris qui l'incarne, parce que c'est vrai que lui, il est extrêmement vocal là-dessus, un peu plus maintenant. Il se montre dans des vidéos, on peut le voir sur des chaînes norvégiennes à l'époque. Ouais, c'est ça, genre l'album préféré de Fenris. Il passait sur le télématin, le salon de Fenris, on se branle sur pour expliquer les parallèles et les différences entre tel style de métal et le punk aussi. Et il se branle sur des albums de cross-punk obscur, speed metal, dont plein de gens ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut pas soulever la question Je dis ça pas de façon. Parce qu'il fait pas de concert Dark Throne, mais quand même, le mec se montre beaucoup quand même. Ouais, pas de concert depuis très longtemps d'ailleurs. Une apparition notamment plutôt au Wacken. Alors on va faire une petite parenthèse, parce qu'il y a, notamment plutôt qui est apparu avec les mecs de Satyricon. Oui, dans les années 2000, qui ont joué un morceau de Dark Throne en live au Wacken, c'est ça. Je sens que c'est un morceau d'Under of Funeral. C'est The Shadow of the Horn. Non, c'est un morceau d'Under of Funeral Moon, c'est sûr. Ils ont joué The Shadow of the Horn. Non, ils ont pas joué Shadow of the Horn. J'ai maté 4 fois la vidéo et... J'ai maté 10 fois les vidéos. Oh là là, attends, stop, il y a battle de vue, ok, on va passer à autre chose, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Bref, ça a été joué au Vakken. On s'en branle, Darkthrone a joué en live, pas sous Darkthrone, mais en tout cas une reprise de Darkthrone, avec des membres de Darkthrone, avec d'autres membres. Satyr et Enslaved. Satyr, Enslaved et pas d'immortaux, je crois. Il y avait King avec de Carpathian Forest. Non, je crois pas. Il y avait Satyr et... Il y avait Satyr, c'est sûr. Et il y avait Icedale aussi. Il y avait Frost, non? Icedale, donc un mec d'Enslave. Il y avait pas Frost? Si, si, il y a Frost, Non, je sais pas. Si, si, il y a Frost, il est là, parce qu'on le voit dans... Frost à la batterie, hein, d'accord. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais par contre, cool. Bon, en tout cas, on avance. On va avancer... La partie concert... Bon, ça c'était la partie concert qu'on mettra quelque part. En tout cas, les mecs avancent toujours dans un genre qui a été initié par Cult is Alive, et ils avancent toujours dans un truc toujours plus heavy, Underground Resistance, qui était quand même beaucoup moins punk, mais quand même très heavy. Qui est très speed et heavy metal. Ouais, ouais, qui est quand même vachement heavy metal. C'est pas la même production, par contre. Voir un peu Doom des fois, il y a des passages un peu Doom. Un peu la Doom et tout. Ouais, un peu comme Doom Condemnas avec des gros leads de guitare bien mélodiques. Et moi, c'est ces deux albums, Circles of Wagon et The Underground Resistance, c'est 2010-2013, tu peux les mettre un peu ensemble, je trouve, finalement. C'est des... Franchement, c'est juste des bons riffs et tu peux aimer du metal qui n'est pas du tout du black metal. Tu peux te dire Darkthrone, pourquoi j'écouterais du black metal, et c'est pas du black metal à ce moment-là. T'es vraiment dans quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de riffs. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment un hommage à la batterie. Donc ce n'est pas du batterie tout à fait. C'est un hommage à la batterie. Oui, c'est vrai. C'est génial parce qu'en fait, ce qu'ils ont réussi à synthétiser, je trouve quelque part, c'est un petit Darkthrone quoi. Voilà. Ce qu'ils ont réussi à synthétiser aussi, et je termine là-dessus, c'est une espèce de mélange entre le à quel point on est sérieux, à quel point on déconne. À quel point on est dans le revival, à quel point on essaye d'être sérieux dans regarder, on fait le vrai métal, etc. C'est un petit peu comme Manowar, quelque part. Arrêtez! Tu vas j'ai envie de faire chier, je sais. Bientôt, il y aura des capotes d'Arthrone. Musicalement, rien à voir. Musicalement, rien à voir. Je parle de l'état d'esprit, exactement. Je parle de l'état d'esprit pour dire, genre, vous nous croyez jusqu'où? Vous nous croyez jusqu'où dans le délire? Et tous ces Kikoulol, vampires de chambre dont tu parlais tout à l'heure, des gens qui vont worshipper Darkthrone. Ça, c'est les mêmes en général qui worshipent, je sais pas, il y a beaucoup de groupes de black metal aujourd'hui, les gens qui sont vraiment à ce point. Qui acceptent pas l'évolution de en fait. Exactement, ce genre de choses. Et en plus, qui vont être sur ce côté. C'est que t'as aussi l'abandon de la voix black dedans, quoi. Parce que t'as beaucoup de chants clairs, très un peu. Et King Diamond. Non, c'est vrai, c'est beaucoup plus. Très abandonné. Finalement, ça reste dans une forme de tradition, quoi. Et c'est aussi la période, je me permets une petite parenthèse, où ils ont essayé de faire un label. Fenris et Nocturne Culto, ils ont fait un label qui a sorti 4 albums. Ils ont sorti Tyrant Syndicate, donc leur label en 2004. Ils ont sorti un album de Ranoir qui s'appelle The Merciless, qui est vachement bien, que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, la première chanson de cet album, qui est la première sortie du label de Darkthrone, s'appelle Upon the Darkthrone. Je vous laisse en début, parce que vous laissez en 2004. Sinon, ils ont sorti un album qui s'appelle Done With The Nails, d'un groupe allemand qui s'appelle Old, qui est un groupe de Black Death, que j'ai acheté cet album il y a très très longtemps à la FNAC. Il paraît que c'est bien. Et c'est cool, mais j'ai fini par le revendre, mais c'est Black Trashisant. Quoi qu'il arrive, Apollyon d'Aura Noir, qui était aussi un bassiste d'Immortal assez célèbre, a toujours été un gros pote de Darkthrone, en tout cas à partir de la fin des années 90, et il fera beaucoup de voix. Notamment dans des chansons où il y a des voix claires ou des chœurs comme ça, il fait beaucoup de voix dans les albums des années 2000-2010. Voilà. J'ai pas eu le temps de le présenter vraiment, mais j'ai un peu écouté Arctic Thunder qui est sorti en 2016. Il y a un peu des côtés. Ça revient un peu à des riffs assez black, enfin des ambiances assez black à certains moments. Il est encore roulé. Mais bon, c'est pas. Moi, ça pour l'instant, ça va pas marquer. Mais je pense que ça me marquera pas tant que ça. Et ouais, je préfère. Bon, là, Et, enchaîne. Donc ouais, avec Arctic Thunder et puis même tout ce cycle en fait qui s'est passé avec Moon Fog, il y a quelque chose en fait qui se dégage clairement en fait de chez Dark Throne, c'est que il y a toujours eu et il y a toujours cet esprit de rébellion pour dire mais on va pas faire ça. On vous emmerde. Exactement. Ce que vous attendez qu'on fasse. Rien à foutre. Rien à foutre en fait que toi tu me dises que le black metal c'est comme ça. Parce que le black metal, de toute façon, c'est moi si je veux. De toute façon, c'est mort le black metal. Tu veux du Transylvanian Hunger, dans la façon de batterie, connard, à l'époque, voilà, c'est fini. Plusieurs fois, on a repris l'expression vampire de chambre qui se nourrit à du Transylvanian Hunger. C'est parce que Fenris lui-même, en fait, c'est lui qui disait ça. Mais mec, toi, t'es dans ta chambre comme ça, tranquillou. Tu t'attends à quelque chose qui est complètement similaire en fait à ce qu'on a fait auparavant. Mais non, on fera ce qu'on a envie et on fera ce qu'on se dit, ce que c'est en fait le black metal. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, hein, parce que bon, j'articule très mal à ce moment-là. Non, on s'entend bien. Je me permets, mais quand il parle, quand il dit ça et quand il se moque et quand il critique ces gens-là, tu crois qu'il parle de qui à ton avis? Moi, je suis persuadé qu'il parle de lui-même en fait. C'est depuis le début, il parle de lui-même et De son ancien lui, je pense. Hein. Oui, mais vraiment, dans son interview, il change de discours complètement. Tout à fait. Interview de 92, tu prends l'interview de Underground de Résistance, rien à voir. Mais c'est le, c'est pour moi, si je termine vraiment là-dessus et après j'arrête, mais c'est le parcours qui est totalement attendu et totalement normal de beaucoup de métalleux en fait finalement. Où tu commences à écouter certaines choses et des fois tu en vas et c'est nul en vrai parce que moi je sais que j'ai pu le faire et par la suite après me dire mais bien sûr que non, c'était complètement débile, mais me dire mais j'étais nul d'écouter tel truc parce que ça c'était vraiment nul et tout et j'étais vraiment un mec comme ci comme ça machin et tout. Super nul. Et vraiment en fait moi je trouve qu'il exprime un petit peu ça à certains moments de la carrière de Dark Throne, Fenris, il exprime un petit peu ce métalleux qui se flagelle d'écouter un truc qui devient cool etc et finalement il va faire autre chose. Il va amener autre chose, etc. Ces gars, ils ont la chance d'avoir du talent, du coup, de sortir des bons albums avec ça. Mais quelque part, ils expriment juste, en fait, une... C'est pour ça que Fenris, il fait Radio Fenris, que c'est une inspiration pour plein de metal old school, etc. Parce que c'est une espèce de vie du metal qui se nourrit de mais parce que t'as l'impression qu'il le vit, surtout. C'est un fan avant tout. En interview, quand tu vois un fan de metal... Voilà. Et tous les avaient être le mec de Dark Throne, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui de Dark Throne avec tout ça? Bah finalement, en fait, c'est presque possible de prédire ce qui va se passer par la suite. Il y a un prochain album qui est censé être enregistré ou sortir, je ne sais plus. En tout cas, ils sont en train de préparer un nouvel album. Donc moi, j'attends de voir un peu ce qu'ils vont proposer. Moi, je vais te dire ce qui va se passer là, le cercle. Alors attention. Le serpent a mangé sa queue. On est en train de revenir à Bathory. Ils vont refaire seul cette journée, non, je sortir d'un album de l'air, ça, c'est ça. Mais par contre, ce que je prédis pour de vrai, c'est que par contre, à mon avis, enfin, ce que je prédis pour de vrai, ce que j'aimerais bien voir, et ce qui pourrait peut-être marcher, peut-être pas marcher en général, tous les groupes de leur acabit qui ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Mais s'ils refont un album qu'ils essaient de faire dans la triplette, Ablaze, je pense qu'ils ont arrêté ça. Bah, je suis prêt à parier un petit peu qu'ils essaieront. Avant la fin de leur carrière, de refaire un album, peut-être pas aussi brumeux, peut-être pas avec une photo, avec un contraste comme ça, mais quelque chose de vraiment black à la seconde vague du black metal. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à proposer sur Dark Throne, vos albums préférés, la période peut-être, Baba? Ouais, Baba, un truc. J'ai deux trucs, enfin deux petits trucs, c'est un truc qui va ensemble. du coup, alors ouais, Dark Throne, comme j'ai dit, album préféré que je conseille d'écouter dans le noir avec des bougies. Enfin, comme un vampire. Non mais dans le noir comme un vampire, c'est Blaze in the Northern Sky, enfin franchement, si vous connaissez pas... Faut se le prendre dans la gueule. En cas, son album quand même préféré. Hein. C'est vraiment. Ah ouais, c'est vraiment trop bien. Mais il y a un groupe après que je conseillerais d'écouter qui a vraiment l'héritage Dark Throne, mais en même temps qui a fait quelque chose de très très fou et vraiment intéressant, c'est Catharsis. Ouais, avec un K, groupe allemand, qui défonce vraiment, vraiment sévère. Enfin, si vous aimez la folie, les riffs à la fois black, épique, trashisant, plein d'effets partout sur tous les instruments, enfin genre un vrai bordel chaotique et nihiliste et complètement sauvage et enfin tout, vraiment du black metal à l'état pur quoi. Cours écouter ce groupe, ils ont fait des super albums. Y a rien à acheter, Catharsis avec un K allemand, un groupe des années 2000 que je pense pas mal de gens ici connaissent. Et sûr, Théo, j'ai jamais entendu parler. Théo est fan, je sais. Non, voilà, je pense c'est un bon conseil. Écoutez les trois, enfin la trilogie de Darkthrone bien sûr, mais écoutez aussi Catharsis parce que c'est vraiment un groupe qui pour le coup, quand on parle d'héritage, a vraiment ce côté Darkthrone, mais en même temps c'est autre chose quoi. Donc, vraiment bien. Bah c'est tout simple, il faut écouter n'importe quel Darkthrone, mais ça c'est si on s'en fout et qu'on veut juste voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'il faut écouter, comme il disait lui, les trois premiers, les trois de la fameuse... la fameuse triplette Black voilà, and White. C'est ça la triplette, c'est bien, peut-être qu'un jour... On rappelle la période, vite fait. On appellera ça la triplette, mais c'est vrai, les albums... Donc c'est A Blaze in the Northern Sky, Under the Funeral Doom, donc comme on l'a rappelé ce soir, et Transylvanian Hunger, très très important. Non mais ces trois albums sont géniaux, super, tout ce que vous voulez, une pochette... Génial. Un son, une façon de composer, une harmonie, un trémolo picking incroyable. C'est vraiment génial. Il le vend bien. Mais aussi, dans mes conseils, si je puis me permettre, parce que ça c'était Darkthrone, mais d'un autre côté, si vraiment tu aimes, toi la personne qui écoute le podcast, si vraiment tu aimes la deuxième période de Darkthrone, comme moi je peux l'aimer aussi, genre à partir de 2006, où c'est vraiment heavy et tout, à partir de que je redécouvre, c'est vrai que depuis ce podcast, il est vrai qu'en fait avant, j'écoutais un petit peu moins ça, parce que j'étais un peu plus, comme beaucoup de gens, concentré sur la première partie de Darkthrone, jusqu'à Panzerfaust, je dirais en fait. Ouais. Et c'est surtout cette première partie-là qui est connue en fait, et en fait après t'écoutes le reste, et franchement c'est bien ce qu'ils ont sorti, et il y a pas mal de groupes en fait qui s'amusent un petit peu de ce metal punk, et moi un de mes groupes préférés c'est Midnight, c'est un groupe américain vachement cool, voilà, sans prétention, qui fait une espèce de metal punk à la Darkthrone justement, où tu vas entendre à la fois Bathory et Motorhead, et puis aussi un petit peu Hammer, et voilà, donc ça, c'est mon petit conseil, voilà. Ouais, très bien. Merci Théo. Et puis Kraft, toujours. Et Kraft, bah bien évidemment. Moi je dirais, finalement je suis pas super fan des albums black metal en fait, hein. Moi j'ai découvert ça sur le tard et ça m'a pas marqué tant que ça en fait. Tu préfères la période prog, ouais, moi aussi. La période prog de Darkthrone. La période psytrance de Darkthrone, on en parlera pas ce soir. Moi mon album préféré de Darkthrone que j'écoute le plus c'est The Underground Resistance. Ah ouais, ouais. Ah mais il est cool. Une usine arrive, finalement je préfère le truc de Black qu'ils faisaient à l'ancienne, finalement ça me parlait pas à l'époque. Tout ce que t'aimes c'est les Black. Il y a Underground Resistance, c'est quoi, c'est 2010-2013 par là. Mais ouais, je suis pas ces albums là forcément, j'ai beaucoup aimé, il y en a que j'ai découvert hein, comme Under the Funeral Moon. Non, Doom. Under the Funeral Moon, ça s'appelle Doom ce soir. Et bon, après je kiffe bien, mais c'est pas le black que je cherchais à l'époque en fait, hein. Je voulais un truc plus épique, je préfère la période après 2006, ça me parle plus. À partir du Cult of the Light, plus rock'n'roll, en fait le Darkthrone rock'n'roll il me parle plus en fait. Okay. Ouais. Et en conseil je dirais Amebix, carrément. Qui fait un peu la symbiose. Et si vous aimez Bathory en plus ça peut plaire, parce que je trouve moi ça me fait penser des fois à Bathory. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un gros crust, mais c'est vraiment... Et encore une fois, finalement on est plus dans le punk presque que dans le metal quand on parle de Darkthrone. C'est ça qui est cool. Mais carrément d'accord. Amebix, très très bon. Donc Amebix, Arise, voilà. Super album. Parfait. Panda. Là, moi, je reste classique, finalement, parce que avec la réécoute, c'est Francis Badian Hunger qui m'a saisi les tripes. Mais il est excellent. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Mais en fait, je crois que c'est... Ouais, qu'ils sont plus célèbres. C'est encore une fois, c'est l'enchaînement des écoutes et puis l'évolution qui était ouf, en fait, finalement. Tu sais, quand t'écoutes les démos, t'as un son qui est archi dégueu, parce que t'as ces problèmes techniques qui sont liés, en fait, à des problèmes de thunes, en fait, quoi. Et sauf que tu le sens, en fait, que, tu sais, ils arrivent à un côté très professionnel, mais volontairement, là, ouais, bam, ils disent, non, nous, on est comme ça, on est cru. On est cru et on balance notre son comme on veut et comme on veut l'enregistrer, quoi. Et ça, c'est putain de puissant, quoi. Et puis merde, putain, j'ai oublié le nom de notre album. Ah si, c'est Aidzem, en fait, qui je sais pas, c'est le côté trash qui m'a parlé là, tu vois. Mais on a pas beaucoup parlé, mais Darkthrone, ils ont un côté black trash qui a influencé quelques groupes aussi. Hein. Destroyer 666, tu penses qu'il leur a piqué quelques riffs aussi? Complètement, hein, putain, ouais, ouais, ils ont... On est d'accord, ça me fait plaisir. On n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est pas la même exécution. C'est pas la même. Ça défonce à balle. Et dans les recommandations, qui restent légèrement, quand même complètement, en fait, dans l'univers post-punk, je le cache pas, vous le savez, je kiffe ce groupe. Je vous conseille, en fait, les albums de début 80 de Doom. Très bien. Très très bien aussi, c'est parfait, c'est de la tuerie. Je sais même pas le nom des albums, mais en vrai, il y a la compil Total Doom qui est parfaite. Voilà, très bien, écoutez Baba. Non, Romain, qu'est-ce que t'en dis ? Bah écoute, moi pour les conseils, moi c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand tu vas conseiller du Darkthrone, ça dépend à qui tu parles, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. Pour quelqu'un qui veut écouter du black, tu vois, vraiment, je te conseille vraiment Francis Manninger, quoi. Qui reste vraiment celui que j'ai. Le premier que j'ai écouté et qui est devenu quasiment mon préféré par la suite, quoi. Et je retrouve à peu près tout ce que j'aime dans black metal, tout ce que tu veux, mais dans Darkthrone, ce que j'aime, ça va être Transylvanian, Panzerfaust, Aidzem, Underground Resistance, c'est vraiment les trois albums, vraiment, j'ai énormément de plaisir à écouter ça. Ils sont très différents en plus. Ils sont très différents en plus parce que t'as beaucoup le panel est très très large, et c'est des trucs que je retrouve dans... Même parfois dans du post-black, hein, sans citer de groupe. Mais dans un conseil de black, c'est Lustre. Ah ouais ? Que j'aime beaucoup. C'est un groupe qui est adoré par les papillons nus. C'est lent. J'adore ce groupe parce que Lustre, c'est Nelson qui me l'a fait écouter. Et j'adore ce groupe. C'est un groupe qui est tellement malaisant. C'est tellement malaisant qui est vraiment. Il y a une beauté dedans, vraiment une espèce de mal-être qui ressent dans cet album. Il y a surtout un album où la fin de la chanson, enfin une plage où c'est un cri en fait qui vient mais toutes les minutes. En fait. Ouais, c'est ça quoi. Et j'avais écouté. C'est juste un cri avec de la reverb. Et vous sentez l'affiliation Darkthrone. Moi je sens vraiment l'affiliation Darkthrone, vraiment mais avec son minimalisme à lui. Un peu comme Culte des Ghouls. Alors ça je connais pas ça. Moi je connais bien, et aujourd'hui j'écoutais dans le train en venant vous voir d'ailleurs, et justement je disais que justement j'écoutais le dernier Culte des Ghouls. Le dernier par curiosité en disant tiens ça fait longtemps. J'ai pas écouté ce groupe. J'aime bien. Des bons trucs. Et il y a une bonne filiation avec Darkthrone, je vous conseille d'écouter. Ouais, il y en a eu plein. T'entends Darkthrone pareil. Ouais, clairement. Ok, voilà. Bah écoutez, on avait tous été très présents pour parler de Dark Souls. On était tous très très présents. Ouais, je suis pas sûr qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas on en a posé beaucoup. Ouais. J'espère que ça intéressera les gens de s'intéresser à Dark Souls et de continuer. En tout cas, merci d'être venu et puis on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Mais ouais, salut. Yeah, salut. Et on parlera de Bourzoum. LOL.